C'est froid, DJ. DJ 7, c'est froid. Duc Sedum, non, c'est froid. Dour, non, c'est froid. Seine, c'est froid. Céline Dion, ah, c'est chaud, Céline Dion, c'est chaud de Las ouf. Las Vegas, tabernacle. Hein. Non, c'est Céline Dion, je vais avouer, c'est chaud. Ben Las Vegas. C'est pas là. Ma cam d'écoute, mais. Mais Las Vegas. Ben non, Las Vegas. Non, c'est pas Las Vegas. Ben si Céline Dion, c'est Las Vegas. Et on peut dire que c'est chaud Las Vegas aussi. Alors pour l'instant, tout ce que vous trouvez est chaud. Donc je vous précise ce qui a été trouvé déjà. On m'a envoyé sur Naturel. C'est 3 étoiles de chaleur, puis festival, c'est chaud. Concert, c'est encore plus chaud. Tomorrowland et Céline Dion, oh, c'est brûlant. Oh, je sais ce que c'est. C'est quoi? Hologramme. Hologramme, c'est froid. Oh merde. Spectacle. Tout ça pour ça. Mais c'était bien surnaturel, concert. Spectacle peut être brûlant. Dans certaines situations, spectacle peut être brûlant. Alors attention, on m'a envoyé Sport Palace. Ça peut être brûlant. Garden, non, c'est froid. Werther, ça peut être brûlant. Artiste, ouais, ça peut être chaud, artiste. C'est pas mal. Et tout ça, ça se rapproche. Hein. Public, c'est. Ah purée, public, c'est chaud aussi, quoi. Mais... on n'y est pas. Essayez de trouver le point commun entre Tomorrowland, un concert, un festival. D'accord. Surnaturel. Ah, magie. Non, c'est plus à toi de jouer. Brûlant, là-bas. Magie. Brûlant, brûlant, magie. C'est attention, Tonton Roger, tu proposes quoi? Musique. Musique, non, c'est froid. Atmosphère. Atmosphère, non, c'est froid. D'accord. Un numéro. C'est froid, un numéro. Genre un pestacle. Non, c'est froid. Spectateur. C'est froid, spectateur. C'est froid, spectateur. Ouais. Je sais pas, moi. Des lumières. Des lumières. Non, c'est froid. Alors, au 3044, on me propose un show. Un show peut être brûlant. On m'a envoyé événement. C'est brûlant. Effets spéciaux. Effets spéciaux, c'est brûlant de ouf. Ah. Feu d'artifice. En fait, je vais vous dire, tout ça, la magie. Oui. Céline Dion. D'accord. Tomorrowland, concert, festival. Vite. Un événement. Événement, c'est laser. Tu passes un tour. Illusion. Pourquoi je passe un tour? Illusion, c'est fort parce que c'est tout ça, c'est des trucs genre waouh. Laser. Qu'est-ce qui waouh? Impressionnant. Bon, c'est pas les lasers. Alors là, on est chaud. C'est impressionnant. On est chaud ça. Parce que je pense que comment incroyable. Voilà, brûlant, incroyable. On cherche. Alors attention, on cherche. Un adjectif. Un adjectif, mais surtout, on cherche un synonyme de ce que tu viens de donner. Un synonyme d'incroyable. Le premier qui m'envoie un synonyme d'incroyable. Époustouflant. Stop, tu dis plus rien. Ah, tu as passé 3 tours, toi. C'était ça. Toi, t'as trop de vocabulaire. C'est ça, mais j'ai trop de vocabulaire. Alors, envoyez attention. Époustouflant. Essayez de trouver, c'est très important. C'est toi l'époustouflant. Essayez de trouver un synonyme d'incroyable et vous m'envoyez maintenant au 3044 avant Mike Open Space. Dépêchez-vous. On m'envoie formidable, brûlant, merveilleux, brûlant. Un autre, spectaculaire, brûlant, époustouflant, brûlant, j'avais dit. Talent, c'est chaud. Émervé. Magique. Merveilleux. C'est chaud. Lara, attends, laisse tonton Roger et Kaufman un peu répondre. Ils ont pas de cerveau. Ils ont pas de cerveau. Non, j'ai pas de cerveau, moi. Étonnant, c'est chaud, j'aime bien. Un autre synonyme. Mais merveilleux. Extraordinaire, un autre. Merveilleux, c'est pas celui-là. C'est pas extraordinaire. C'est étonnant. Étonnant, c'est pas ça. Tu passes un tour. Alors, tonnerre pas. De Brest. Tonnerre de Brest. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des idées ici, là? Exceptionnel. Oh, exceptionnel, c'est toujours pas celui-là. Incroyable, il a déjà été proposé, tu passes un tour. Magique, ça a déjà été proposé, magnifique, tu passes un tour. Magnifique, c'est pas celui-là, on cherche des synonymes à tout ça. Gigantesque. Gigantesque, bien, j'aime bien gigantesque. Faramineux. Mais on n'y est pas. Unique. Faramineux, j'aime. Oh purée, on y est presque. Hey, on va y arriver. Suprême. Oh, on va y arriver. On va y arriver. Suprême cheese. Toujours pas arrivé au 3044. Suprême cheese. Attention, je vais devoir le donner, hein. Énorme. Ça commence par quelle lettre? Alors, si je donne la lettre, tout le monde va trouver. Je vais demander, est-ce que Mike Open Space est dans les studios? Allô, Mike, est-ce que tu es là, par hasard? Non. Non, je et là, là, j'imagine. Bonsoir. Ah, on dirait qu'il et imagine qu'on le parlait depuis 10 minutes dans le vent. on a parlé avec Bibouche. Ça va, et toi? Et t'es pas venu, tu m'as déçu. Voilà, tu vois, je suis déçu, putain. Mais je suis désolé, j'avais un cours d'aquaponie. Ah bah ça va, t'es excusé. Ça va être sympa de l'aquaponette, ouais, si ça se raponnette dans l'eau et tiens, ça t'attrape des balles. C'est sympa, sauf que pour lui, il est sous l'eau, c'est un peu dur. Ouais, c'est ça. Bon, Mike Open Space, quoi de prévu pour ce soir là? Et bah ce soir, mon Vince, on retourne le pays, on va continuer sur la même lignée que toi. Ah, il y a un écho quand je parle, c'est chelou. Qu'est-ce que tu m'as dit, Lara? Rien. Je te parle. Non, mais je t'aime bien. Moi aussi. Alors, non, vas-y, explique-nous qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement dans l'émission ce soir. On va faire un jeu, tiens, dans quelques instants. On va faire plus petit ou plus grand que Nicolas Sarkozy. Parce que j'ai lu une info sur l'ancien président français qui m'a fait beaucoup rire. Donc, on va faire un jeu là-dessus. On va vous offrir du cadeau. Et puis, vous avez envie de vous lâcher contre quelqu'un, il y a les défoulrooms de Calais tout à l'heure dans l'émission. 30 secondes, carte blanche pour afficher la personne, l'organisme de votre choix. Vous nous appelez maintenant la 02 851 4x0. 4 fois égo. 4 égo. Alors, Mike, bon, écoute, je voulais te remercier aussi malgré tout. J'ai envie de remercier tout le monde ce soir. C'est la fin ce soir ou quoi? Franchement, quand tu sais, parfois tu tournes sur des nouvelles dans Sud Presse, dans la DH, t'apprends des nouvelles genre attention, Vince, au retour de ces espèleuses. C'est craché quoi. Ouais, mais c'est pour ça un avion lui est tombé dessus. Tu vas rouler prudemment. Hein. Je vais rouler très prudemment, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais en tout cas. Est-ce que c'est mirobolant le mot? Non, c'est toujours pas ça. Attends, on va le trouver. Donc je voulais faire un big up à Mike. C'est dommage que tu sois pas venu, Mike, parce que j'avais un truc prévu avec toi sur scène et tout. Ouais. T'aurais dû me le dire. Bah écoute, c'est des surprises, on peut pas dire les surprises. On t'a demandé de venir. Mais tracasse. Y'a pas de soucis. On voit demain. Merci beaucoup en tout cas, mon Vince. Mais je te vois demain, c'est pas un discours d'adieu. Je suis pas viré demain parce que demain matin on a une réunion, tu sais. Donc, mais justement. Réunion d'antenne demain 10h. Réunion demain 10h et j'espère que demain on va pas m'annoncer. Bon bah écoute, Vince, on va voir que tu changes de radio. Hein. Je suis toujours pas au courant si j'ai re-signé ou pas. Hein. Et ils allument les lumières dans la salle, ça y est, c'est terminé. Il y a plein de trucs différents, c'est marrant. C'est terminé. Bon les amis, Mike, on lance dans deux secondes. Le mot a toujours pas été trouvé. Bon alors, époustouflant, merveilleux, mirobolant, incroyable. On cherche des synonymes à tout ça. Extraordinaire. Extraordinaire, toujours pas, ça a été envoyé plein de fois. Vince. Alors attention, oui. Vince, merci, oui, c'est ça. Mais quelle excuse, on m'a envoyé colossal, on m'a envoyé gigantesque, on m'a envoyé paradisiaque, monstrueux, inouï, astronomique, sublime, toujours personne. À trouver et je vais vous dire maintenant plus personne, attention, le premier qui m'envoie au 30-44 gagne. Le mot était monumental. Ah, c'est pas mal. Et voilà, et ils ont tous dégoûté. Bon, le premier qui m'envoie monumental par SMS au 30-44 et c'est parti, monumental. Pas mal. Voilà, les amis, je voulais vous remercier. C'est dommage qu'on n'a pas Cardel avec nous. Et quoi, et c'est l'union, c'est monumental. C'est monumental ce qu'elle fait, c'est énorme. Bah alors tout est monumental. Non, pas forcément. On tout. En discutera tu prends si la Tobacco Hoffman, elle n'est pas à son front, oui. Et on veut voir ton front. Allez les amis, on est de retour demain dans Libre Antenne. Merci à tout le CESP Leuze. Merci Night Song. Et vous avez déchiré les gars. Merci à Chris, merci à son frangin également, merci à toute la team. Ils sont venus, ils ont installé un podium mais magique qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de Fun. Franchement, ça nous fait vachement plaisir. C'était un moment de dingue à remettre très très bientôt. On est de retour demain dès 20h. Vous aurez les vidéos, tout va être publié bien sûr sur le site de Fun, funradio.be. Merci Kaufman. À demain. Hey Cardel, t'en vas arriver, frangin. Viens Cardel. Viens dans mes bras. Viens le mes Cardel bras. Américain. Viens. On n'a pas 10 ans, il y a Mike qui va commencer. Viens dans mes bras. T'as fait un boulot de dingue. Allez, viens, assieds-toi sur mes genoux. Oh purée, ouais. Ah oui, il est vraiment sur les genoux de Vince là. Faites du bruit pour lui. Ouais. Il a bien bossé. Bon, par contre, tu me caches le micro là. Allons, allez, restez. Bon, non, on doit y aller. Mike Open Space, bonne émission. Yeah, rendez-vous demain 20h. Bisous tout le monde, merci. Bisous. 23h. La journée se termine. Vos paupières sont lourdes. La lumière vient de s'éteindre. Mais ne dormez pas encore. Un vent de liberté s'engouffre dans votre rue. Il souffle jusqu'à pénétrer chaque recoin de votre chambre, de votre véhicule. Vos poils se hérissent. Votre pouce accélère. L'heure est venue de l'ouvrir. Ne restez pas caché sous votre couette. Levez-vous et montez le son de la radio. Montez-le encore. Encore. Le voisin gueule. On s'en tape. Vous soyez où que vous soyez, la nuit ne fait que commencer. Total délire, 100% tolérance, 2. Radio Bordel, Mike Open Space, 1. Jusqu'à 2h sur Fun Radio. 0. Mais ton micro n'est pas allumé, Max. Ça va, c'est la première fois que je la fais celle-ci. C'est j'ai la première. Le micro. Ça c'est va bien. Oui. Bonsoir tout le monde. On est à 23h sur Fun Radio. Jusqu'à 2h du matin, c'est parti. Libre antenne, vous débarquez au 02851 4x0. Putain, celle-ci, je l'avais jamais fait. Ah, bonsoir jamais, Jonathan. Bonsoir Mike. Ça va bien? Écoute, ça va pas mal. La un journée, peu comme le temps. Bof. Comme le temps, quoi. Mossa, triste, de la pluie. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais je sais pas, aujourd'hui j'ai pas passé une super bonne journée. J'avais pas le moral. Ça arrive. Ton petit cœur est-il brisé? Ah non, pas mon petit cœur. Mon petit cul. Non. Non, voilà. Il y a des jours avec et des jours sans. Et aujourd'hui, c'était pas le meilleur jour. Voilà. Très bien. En parlant de jours sans, aujourd'hui, il y a pas Coralie, les gars. C'est pour ça. Aujourd'hui, il y a pas ma meuf dans l'émission. Donc aujourd'hui, je vous invite à m'appeler. Si Rachel nous écoute, là, je sais que Rachel, j'arrive jamais à la voir en antenne là, parce qu'il y a Coralie. Vous nous appelez là, au 02851 4x0. Je suis un petit peu perturbé. Il y a pas Coralie. Comment ça va, Zézel? Ça va super bien en tout cas aujourd'hui. C'est toi qui décroches ce soir. Ouais. C'est moi qui décroche. Oui, et qui est connecté aussi sur les réseaux sociaux, le Facebook Mike Open Space, le Twitter également, c'est Mike Fun Radio, je vous fous le bac, et puis le compte Snapchat, Jonathan. C'est Mike Open Space. Exactement. On est un peu tous perturbés aujourd'hui. J'ai été en atelier Tinder aujourd'hui. Ah bon? Atelier cuisine Tinder, est-ce que vous connaissez? C'est vachement sympa, c'est comme les ateliers mythiques. Ok. Et en fait, tu cuisines avec des personnes célibataires, etc. Ah, je sais pas. Je pensais que tu swipais les aliments en fait. Non, pas du tout. Non, mais je suis quand même reparti avec une blanquette de veau. Ah ouais, les gars. Y'a Souf qui arrive pour débuter l'émission sur Fun Radio. Open Space, Libre Antenne, vous tous et vous tout en direct, 02 851 4x0. Et aujourd'hui, on ne l'a pas souligné, Mais aujourd'hui, c'était la fête de la musique. Ah, c'était aussi le premier jour de l'été, mais on l'a pas souligné non plus. Le soleil, on le cherche encore. Oui, et le jour le plus long d'ailleurs, mais surtout la fête de la musique. Ouais. Un petit peu de bonne musique. Les groupes les plus pourraves du monde qui se sont réunis en bas de chez nous. Enfin, je sais pas personne, mais moi j'en avais plein chez moi pour me casser les oreilles. Après, je dis pas, il y a de très bons musiciens qui jouent le soir de la fête de la musique, mais il y a aussi des trucs tout pourris. Ah ouais, tu kiffes la fête de la musique ou pas? Pas plus que ça, non. Mais je trouve que c'est devenu la défaite de la musique. Oui, mais c'est ça. En fait. C'est les personnes qui ont le moins d'oreilles musicales au monde. C'est ça. Qui viennent pour te casser les couilles. Et c'est ça, ouais, carrément. C'est dommage. Que, voilà. C'est bon. Zézel, est-ce que tu fais un truc toi pour la fête de la musique? T'as fait quelque chose? Non, moi j'ai rien fait. J'ai glandé comme d'hab. Vous avez jamais rien fait pour la fête de la musique? Un jour j'ai couché avec un accordéon. Non, mais moi j'avais fait des trucs. Hein. Il m'est arrivé à l'époque avec mes potes. Je prenais mon banjo, j'allais jouer dans la rue et tout. Non, mais t'es devant trois personnes. T'as l'impression d'avoir fait le Stade de France. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais je te jure, je me rappelle, on se prenait pour les Beatles. Ah ouais? Oui. Quel garçon dans le vent? D'ailleurs, il y a un passant qui a pas kiffé, il a fini comme John Lennon. J'ai un pote à moi qui a mal fini quoi. Donc tu l'as pas fait, Jonathan, plus jeune? Non, j'ai une fois mixé une fête de la musique, mais c'était pas top non plus. Ouais, mais voilà. À l'époque, les gens ils te jetaient pas de tonates, ils te jetaient directement les grenades. Ah, c'est ça. Je pense. Ah, mais c'est des bons souvenirs. Bon, bah voilà, dites-nous si vous faites des trucs pour la fête de la musique. Moi, j'ai fait un concert à guichet fermé, je me rappelle, à la morgue de Molenbeek. Il y a 2-3 morts qui se sont barrés avant la fin, mais on peut pas plaire à tout le monde. C'est dégueulasse. Allez, on a Jack qui est là, premier auditeur de la soirée. Salut Jack. Hello. Hola. Salut. Ça va Jack? Ça va. Bienvenue. Jack, t'as 20 ans. Tu m'appelles d'où? J'ai 20 ans. De Woluwe Saint-Lambert. D'accord, très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant. Parfait. Et dis-moi, de quoi est-ce que tu veux me parler? Ah oui, t'es l'auditeur mystère de ce soir. On va devoir trouver pourquoi tu nous appelles. Voilà. Donc j'ai eu un rencard avec une fille que je voyais pour la première fois. Ouais. Et il y avait un gros problème. Lequel? D'accord. Ok. Il peut y avoir plein de problèmes quand même. Ah, c'est sûr. On va essayer de trouver pourquoi tu nous appelles, quel a été ce problème. Si vous avez des idées, vous balancez votre question au 3044. Cadeau Fun Radio si vous trouvez. Et pareil, Jack, si on trouve ton problème, il y aura du cadeau Fun. Tu pourras répondre aux questions qu'on pose dans 2 secondes. Ah, ouais, c'est pas okay. Jack, moi c'est Montello. Ah, bah pourquoi il y a marqué Jack Montello? Ok, bah très bien. Bah Montello, bah bouge pas, frérot. Tu bouges pas? Ah, je bouge pas. Allez, vous trouvez-vous tout en direct sur Fun Radio et on se fait le son de souffle pour commencer l'émission. C'est mis à mort, il y aura la nouvelle star de l'Open Space très vite. Plein de choses, plein de conneries. Plus que 7 émissions avant la fin de l'année. 7 émissions. Et croyez-moi, on va foutre le bordel jusqu'à 2h du matin. 02 851 4x0. Touf, mis à mort dans l'Open Space. Bienvenue tout le monde, l'Open Space est là. Pardonner tous ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. T'avais raison, c'est comme ça que je t'aime. Mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. Je t'avais cru soumise, mais ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. Mi amor, favor, mi amor. que ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, et mi amor. Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, et mi amor, por favor, et mi amor. Et bonsoir la Belgique, merci de nous avoir choisi. On est là, c'est Open Space avec vous jusqu'à 2h du matin. Bonsoir à Hâte, vous nous captez, 95.4 c'est la fréquence à 8, 98.8, big up à vous. On big up tourné, 97.4. Salutations à Warem, 106.4 et partout à Big, c'est 104.7, c'est l'Open Space sur Fun Radio. Boum. Fun, toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Je sais pas ce qui se passe ce soir, je suis tout chelou. Ah non, mais quand ça va pas, ça va pas. Hein. Ah non, mais c'est l'Open Space avec vous jusqu'à 2h du matin sur Fun Radio. Vous débarquez en direct au 02-851-4x0. Pourquoi il est pas partir, mon son? Très bien. Il y a que des merdes techniques, je sens très très bien cette émission. Quand ça commence comme ça, c'est que ça va partir en vrille. Il reste plus que cette émission avant la fin de l'année, les amis, avec Asaf Afidon, c'est ce qui arrive dans 5 minutes pour le son dance floor. On va se faire One Day. Vous tous et vous toutes par SMS 3044. On est connecté aussi sur les réseaux sociaux de l'émission. Allez faire un tour sur le Facebook Mike Open Space. Et on récupère Montello qui est avec nous. Ouais. Montello, t'es toujours là. Remontello. T'as 20 ans, tu m'appelles de Woluwe Saint-Lambert, c'est ça? Ouais. T'as eu un rencard Tinder avec une meuf. Bah ouais. C'est ça, tu l'as rencontré sur Tinder? Ouais, je l'ai rencontré sur Tinder il y a plus ou moins une semaine. Ok, vous avez parlé et vous avez décidé de vous rencontrer. Sauf qu'il y a eu une surprise. Une fameuse surprise. Ou un problème, tu m'as dit que c'était plutôt un problème. C'est à nous de trouver quoi? 3044 pour poser vos questions. On va devoir trouver quel était ce problème, Jack, pour que tu puisses repartir avec du cadeau Fun. Si vous trouvez chez vous à la maison et que vous nous envoyez la bonne réponse par SMS, il y a du cadeau aussi. Est-ce que vous êtes prêt dans l'équipe? Jack, oui. T'as le droit de répondre aux questions par oui ou par non, ok frérot? Ok. Ok, attention, 3, 2, 1, 2 minutes, top chrono. Est-ce qu'elle t'a menti sur son âge? Non. Est-ce qu'elle était déjà en couple? Non plus. Est-ce qu'elle s'est ramenée en fait? C'était pas une meuf, c'était un mec. C'est ce qu'on nous dit par SMS. Est-ce que c'était un homme en fait? Non, j'ai pas encore eu le temps de regarder entre ses jambes. Non, c'est. 3044 pour poser vos questions. Quel était le problème lors de ce premier rencard avec Jack et sa nouvelle meuf? Enfin, je sais pas si c'est devenu ta nouvelle meuf ou pas, Jack, du coup? On est en bon terme, mais je crois que non. Non, ça va pas la devenir. Ça va devenir une bonne amie, à mon avis. En fait, c'était pas elle, c'était genre sa copine et elle a envoyé une autre meuf. Non. On nous demande. Ah, moi ça m'aura pas dérangé. Sur les SMS 3044, elle était grosse, pas du tout comme sur les photos. Non plus. C'était ton ex qui voulait te pécho encore, on nous dit au 3044. Non. Il vous reste une minute pour trouver, les amis. 3044, la famille, 50 centimes par envoi. Pardon, est-ce que t'as fait un 4 fiches? C'est quoi ça? Comment ça, en selfie? Est-ce que j'ai fait un selfie avec? Non, un 4 fiches. Un 4 fiches, en fait, c'est le nom d'une émission en fait où il y a des gens qui se font passer pour quelqu'un d'autre sur des sites internet ou sur des sites de rencontres. Et donc, du coup, quand ils les rencontrent en réalité, enfin, c'est des gens qui évitent de les rencontrer. Quand ils les rencontrent, en fait, c'est pas eux. Ok, mais là, on vient de perdre 20 secondes. Là, ça arrange pas les affaires de Jack, frérot. Elle avait 6 orteils, on nous dit au 3044. Non plus, mais j'ai pas vu ses pieds. Il lui manquait un membre. Non. Est-ce que c'était un problème physique? Oui. Ah, 3044, les amis, 50 centimes par envoi, dépêchez-vous. Bah, je sais pas, c'est un problème de taille. Oui. Ah. Est-ce qu'elle était immense? Non. Ah, bah l'inverse, est-ce qu'elle était petite? Ah, bah oui. Elle était petite? Elle était petite. On a la bonne réponse. Bon, elle bah très bien, petite. Elle était petite, mais c'est-à-dire petite. Tu mesures combien? Alors, moi je suis extrêmement grand, je fais 1m90. Bah, c'est pas extrêmement grand. Donc je suis très très grand. Ouais. Et bon, le problème c'est qu'elle, elle est très très petite. Elle fait 1m48, 47. Ah ouais! Ah ouais, il y a quand même 40 cm d'écart. Mais quoi, elle est redevenue célibataire, mimatique? Non, mais je rappelle d'ailleurs, puisque c'est les examens, formule de mathématiques, qui peut vous servir aux examens, tout le monde la connaît. Mimi Mathieu au carré plus Valbuena moins deux fois passe-partout égale Pilate Barocco. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur. Sûrement, quand je l'ai vu, moi je l'ai vu un Oompa Loompa. Non, mais du coup, s'il pleuvait, tu pouvais lui dire une heure à l'avance, quoi. Fais attention, couvre-toi, il va te pleuvoir. Mais vous n'êtes pas échangé vos tailles alors du coup avant de vous rencontrer? Non, ça s'est quand même bien passé. C'était la surprise totale. Justement, oui. Je l'ai aidé à monter sur ton tabouret quand on était boire un verre. Oui, ça doit être... Non, sincèrement, c'est bien terminé en bon terme. Je lui ai dit vraiment à la fin du rancard que, moi, je cherchais quand même quelqu'un de ma taille pour pas que je me pète le dos à l'embrasser. Bon. Oui, et pour les 69, ça doit pas être très pratique aussi. Enfin, une fois que vous êtes un peu plus intime. Que ça peut contre un mur avec un tabouret, ça pourrait le faire, hein, mais non, c'est très peu pour moi. Mur avec un tabouret. Est-ce que vous êtes déjà tombé dans l'équipe sur un premier encart avec un truc complètement rédhibitoire, Jonathan? Quelque chose. Bah non, mais c'est plus par la taille aussi, tu vois. C'était genre, j'avais un encart avec une meuf, elle m'avait dit qu'elle était petite, je lui avais dit que ça me dérangeait pas jusqu'à ce que je la voie et qu'elle mesure quand même 30 cm de moins que moi, et je suis pas vraiment grand non plus, hein. Je mesure même pas 1m75, tu vois. Donc, d'accord, si je mets 1m75. 1m45 à peu près, quoi. Ouais, elle mesure 1m, bah pareil, un peu 1m48, 47. D'accord, putain, moi ça. Pareil, une meuf belle, parfaite, yeux bleus, décolleté, maman, je m'en rappelle encore. Et ce qui a été rédhibitoire, c'est quand j'ai découvert qu'elle s'appelait Maurice. Là, ça m'a, c'est pas passé. Zezel, un truc qui a foiré au premier rendez-vous comme ça, tu t'y attendais pas. T'as rencontré quelqu'un, ça t'est tombé dessus comme Joule. Ouais, donc en fait, la meuf, elle m'avait envoyé des photos d'elle, mais il y a quelques années, quoi. Ah oui, c'est un classique, ouais, ça. Faut se méfier, ça. Ah, dégueulasse. Hein. Ah, dégueulasse. Bon, et ben montez-le aussi, hein, vite fait, avant de se quitter, puisqu'on est dans le thème. On va se faire un petit kiff. On va jouer ensemble, frérot, à un jeu. On va jouer à plus petit ou plus grand que Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Ah. Parce que j'ai lu un truc. Avec une grosse montre en or. Voilà, exactement, avec une Rolex. Voilà. Sinon, t'as raté ta vie. Voilà. Parce que j'ai lu un truc. J'ai déjà vu une photo de lui ce week-end. Le gars se tient sur ses orteils. Ça m'a fait trop rire. Mais non. Je vous la mets sur le Facebook Mike Open Space. Et j'ai lu qu'il sélectionnait ses gardes du corps en fonction de leur taille. S'ils sont trop grands, il veut pas bosser avec. Ah ouais? Non, mais le problème, tu vois, c'est que les gardes du corps, ils ont besoin d'être grands pour observer la foule et pour pouvoir travailler, quoi. Quand même, oui. Il s'en tape complètement, le gars. Ah voilà. Bon. Donc, on va jouer à plus petit ou plus grand que Nicolas Sarkozy. Je te rappelle sa taille, c'est 1m62. Il y a du cadeau Fan Radio, évidemment, qui est en jeu pour toi. Alors, est-il plus petit ou plus grand que la longueur d'une crosse de hockey sur glace? Plus grand. Bah oui. Bonne réponse. Une crosse de hockey sur glace, ça fait 1m73. Donc c'est la crosse qui est plus grande, pardon. C'est la crosse qui est 1m73, ouais. Une crosse de hockey? Voilà. Putain. La taille d'un sexe d'éléphant en érection, est-ce que c'est plus petit ou est-ce que c'est plus grand que Nicolas Sarkozy? C'est plus grand que Nicolas Sarkozy. Non, c'est plus petit. C'est tout petit. Hein. Mais pas de, pas de beaucoup. 1m50, un éléphant. Voilà, en gros, Sarko, il peut s'en servir comme transat. On peut le comparer à un éléphant. Exactement. 35 cure-dents mis bout à bout. Est-ce que c'est plus petit ou plus grand que Sarkozy? Plus grand. Plus grand, ouais. Ça fait 1m67. Ah ouais. La plus grande saucisse de Strasbourg est-elle plus petite ou plus grande que Sarko? La plus grande saucisse de Strasbourg, plus petite. Non, plus grand, elle fait 1m78. What the fuck? Il y a vraiment des gens qui ont fait une grosse saucisse. La taille de Lady Gaga, plus petite ou plus grande que Sarko? Ouais, plus grande. Alors, je sais bien qu'elle est quand même petite, mais moi je dirais quand même plus grande. Ah ouais? Eh ben elle est, c'est plus petite. Ah ouais? 1m55, Lady Gaga. Ah, elle est toute petite, je la voyais plus grande. C'est un pins en fait, la meuf. On va pas se mentir. Bon, t'as aucune bonne réponse, mais comme il reste plus que cette émission avant la fin de la saison, c'est cadeau pour toi, on est grand seigneur. Et on t'envoie ce qui peut te faire plaisir à la maison, Montello. En plus, une femme plus grande. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, je vais voir ce que j'ai en stock. Si tu veux, je t'envoie Coralie dès qu'elle revient. Bah, Coralie est pas petite. Plus grande. Ah, elle est grande, Coralie. Ah oui, c'est 1m75 quand même pour une meuf, c'est grand. Bonne soirée, mec. Bonne soirée à tous, salut. Yes, hey, frérot, tu reviens quand tu veux dans l'émission. D'accord. Montello, ciao. 02851 4x0 pour faire comme lui. Pour venir faire vivre ici la liberté d'expression. Arnaud sera le suivant, salut mon pote. Salut Mike. Ça va Arnaud? Hello, hello. Ouais, super. Ouais, t'es en voiture Arnaud? Je me suis mis sur le côté. Ah, il y a les voitures qui passent sur le côté. Bah remonte-les vite peut-être parce qu'on entend grave du vent, Arnaud. Frérot, tu veux me parler de quelque chose? Je t'écoute, c'est quoi que tu veux qu'on évoque ensemble sur Fun Radio là? C'est par rapport à ma copine en fait. Ah ouais, elle passe ses rétos et elle a fond dedans. Ouais, ouais, mais il y a un gros problème aussi. Et du coup, t'arrives même plus à la voir. C'est ce que Zezel m'a raconté hors antenne. Ouais, j'arrive plus à la voir et puis j'ai quasiment pas de nouvelles d'elle non plus. Mais il lui reste combien de temps là pour ses rétos, pour ses examens? Il reste 2 jours. Ah, c'est ça, parce que la plupart des gens ont fini là, ça y est. Ouais, c'est aujourd'hui. Quasiment tout le monde a fini. Bon, très bien, on en parle ensemble, Arnaud, dans quelques instants. Ne bouge pas, vous tous et vous tout en direct sur Fun Radio. Et pour le son dance floor, c'est Justin Timberlake qu'on écoute tout de suite, juste après Zappa Fidon. Voici One Day. My heart is dry. cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. Oh, oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Jusqu'à 2h, c'est l'Open Space. Turn off the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et plus que 7 émissions à passer ensemble avant la fin de la saison. Les amis, régalez-moi au 02 851 4x0. On va vous rigoler pour la suite du son Dance Floor. Il y a Justin Timberlake qui arrive, c'est le nouveau Can't Stop the Feeling. Le son de l'été là, on vous l'a fait découvrir sur Fun. Tape à l'info mec avec Jonathan dans quelques instants. Oui. Vous voulez jouer, vous inscrivez au 6322. Vous commencez le message par M-I-K-E. C'est 1 euro par message. Et il y a Arnaud qui est toujours là dans le standard. Rebonsoir Arnaud. Remake. 18 ans, t'es à Bruxelles Arnaud. T'es avec ta meuf frérot, elle ouais. Passe ses rétos et il y a une galère. Ouais, bah, j'ai quasiment plus de messages. Rien de sa part. Et voilà, bah, en fait ce qui se passe c'est qu'elle est mauvaise élève à la base. D'accord. Et donc maintenant elle s'est mise à fond pour faire ses rétos. Ouais, elle fait des foirées. Ouais. Ouais, elle stresse à fond. Ouais. Et donc voilà, et là en fait, je suis un peu dégoûté parce qu'elle m'a avoué quelque chose par message parce qu'elle elle refuse de faire des trucs parce que on se voit quasiment pas. Parce que voilà, à cause de ça, à cause des examens, on se voit quasiment pas. Et en plus de ça, elle me dégoûte parce que ce qui se passe, c'est qu'elle m'a dit qu'elle prenait plus de douche. Elle arrivait même plus à prendre de douche. Mais pourquoi? Parce qu'elle passe son temps à réviser. Ouais. Ah, c'est sympa. Eh, tu peux enlever ton haut-parleur, s'il te plaît, parce qu'on s'entend en écho, ouais. Arnaud. C'est chiant. Je suis pas en haut-parleur, c'est mon téléphone. Ah bah d'accord, je sais pas. On t'entend en écho, c'est ultra bizarre. Bon, on va essayer de faire avec, Arnaud. Et donc, elle prend plus de douche ta meuf. Sympa, ça fait combien de temps? Non. Là, elle m'a avoué que ça faisait une semaine, depuis qu'elle en prépare. C'est sexy, putain. Ah putain, c'est mais genre, mais attends, mais elle passe pas tout son temps à réviser H24. Elle sort pas? Elle fait rien? Non. C'est pas bon en plus de réviser H24. Mais non, le cerveau, il en peut plus au bout d'un moment. Non, elle en peut plus, mais elle m'envoie quasiment plus de messages, j'ai plus de nouvelles. Ses parents me disent qu'il faut la laisser réviser. Et elle m'envoie un ou deux messages de temps en temps. Et elle me dit qu'elle, hier, elle m'a envoyé un message en disant qu'elle n'avait pas le temps de me voir et que ça faisait depuis une semaine et demie qu'elle avait plus pris de douche. Ouais. Ah ouais, c'est un tue-l'amour de fou, donc j'imagine pour toi, t'es un peu dégoûté de ta meuf. Et tu vas la revoir là dans 48 heures. Elle se sera lavée, ça va? J'espère. J'espère pour elle. Moi, je suis un maniaque de l'hygiène, tu vois. D'accord, ouais, donc j'imagine que ça te bloque un peu. Est-ce que t'es déjà tombé, Jonathan, sur une meuf un peu crade? Dites-nous sur les SMS au 3044 si vous avez déjà rencontré un mec, une meuf un petit peu crade. Non. Franchement, non, parce que je me base premièrement là-dessus. Si la meuf, je vois qu'elle a les cheveux gras, dégueulasses, ou même physiquement, tu vois que. Genre, même le matin, quand elle se démaquille pas, enfin plutôt le soir avant de dormir ou quoi, non, je peux pas. Franchement, ah ouais, ça, c'est. Les odeurs, à la rigueur, ça peut passer, tu vois, mais c'est l'aspect physique. Le manque d'hygiène, tout ouais, ça. Ouais, je peux pas, non, je peux pas. Ouais, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, j'étais sorti quand même, j'avais fait une infraction, j'avais fait. Un encart à cette ligne de conduite. J'étais sorti avec une meuf parce qu'elle était super belle, elle chantait super bien, mais elle se lavait pas. Ah bon? Je suis sorti 3 mois avec elle. Oh merde. Elle s'est pas lavée. Bah, vous la connaissez, c'est Zaz. on l'embrasse. Bon, tiens, vite fait, Arnaud, j'ai un petit sondage. Elle a quel âge ta meuf, Arnaud? 19. Elle a 19 ans. Bon, d'accord, c'est plus tout à fait une adolescente, mais je vais quand même placer mon sondage là-dessus. J'ai un petit sondage qui nous parle des adolescentes et du fait que vous, les filles, vous ne preniez pas assez soin de vous. Écoutez bien, 7% des adolescentes. Seulement 7% ouais. Mange les 5 fruits et légumes recommandés par jour. Oui, bah ça, personne ne le fait. Ouais, bah alors là, il y a une raison, c'est parce qu'il y en a 2-3 qui ont piqué tout à la cantine. Et je vais donner des noms. Maggie de Bloc, Loana, Nicki Minaj. Je suis pas sûr que c'est des fruits qu'elle bouffe. Hein. Maintenant, faudra penser à leur dire que le pâté, c'est pas un légume. Ce serait bien. 12% des filles entre 13 et 15 ans admettent boire au moins une fois par semaine, soit 3 fois plus pardon, que les garçons au même âge. Quoi, de l'alcool? Ouais. Entre 12 et 15? Ouais, tu buvais à cet âge-là entre 12 et 15 ans, non, Jonathan? Non, jamais. Moi non plus, pas d'alcool à 15 ans. J'ai commencé tard vers 21, 22 piges. Mais je crois que tu vois, en un samedi soir, j'ai réussi à rattraper 10 ans d'alcool. Je crois que je suis encore bourré de ma première cuite. Et j'ai un dernier chiffre, une dernière statistique. Les adolescents mangent et boivent au moins 3 fois plus de sucreries que ce qu'on que consommait leur mère au même âge. Ah ouais? Voilà, par exemple, c'est vrai, après, à l'époque de Laurence Boccolini, il n'y avait pas toutes les sucreries, il n'y avait pas les sodas ultra caloriques, les Big Mac, les Long Giant, etc. Absolument pas. Et c'est vrai que ça reste un mystère, quoi. Ton gros cul, je parle. Bon, Arnaud! Ouais. Qu'est-ce que t'aurais fait, Jonathan, toi, à la place d'Arnaud? Bah, en fait, je suis partagé parce que là, j'ai écouté le début de l'histoire. Et le début de l'histoire, elle l'étudie, donc c'est normal qu'elle ait envie de se couper du monde, tu vois. Moi, j'aurais fait pareil à sa place, donc de ce côté. Ouais, de ce mais ne pas là. Se laver. Voilà, ne pas se laver, quand exact. Même, sérieux. J'avais pas entendu la suite, t'en es venu après. Ouais, donc, c'est ne pas se laver, c'est dégueulasse. Mais quand même, justement, vu qu'elle ne se lave pas et qu'elle est en plein examen, c'est peut-être à toi aussi le bon moment pour te mettre un peu en recul et la laisser faire son dos et tu la récupères une fois qu'elle sera propre et qu'elle aura fini ses dos. Est-ce que tu veux toujours la récupérer? Ça t'a peut-être dégoûté à vie, quoi, Arnaud. Moi, je suis un maniaque de l'hygiène, donc je me lave quasiment les mains 6-7 fois par jour. Ah non, t'es pas un maniaque, t'es un psychopathe, ça n'a rien à voir. On nous dit. Non, mais c'est normal, bactéries et tout. Au 3044, il y a des messages pour toi, Arnaud. On nous dit, mec, faut que tu la comprennes. Moi aussi, quand je suis en blocus, je me barre du monde et de ma copine, mais il faut la comprendre. Si tu étudies pas, tu peux pas être empathissant et ça craint. On nous dit, faut pas qu'elle te néglige de trop, mais dis-toi que c'est que quelques jours sur toute votre relation, essaie de la comprendre. C'est Sylvain qui me dit ça de Molenbeek. Vous baisez encore au moins? J'essaie de la comprendre, mais le problème, elle est. Tu peux étudier dans ton bain, tu vas dans ton. Au moment de préparer un bain, et tu étudies dans ton bain, tu lis. Clair, tu veux prendre 5 minutes pour prendre une douche, c'est pas ce qui va te retarder le plus au monde, surtout si elle passe le reste de sa journée à réviser. Mais t'es sûr qu'elle révise vraiment? Oui, bah oui. Ouais, t'es sûr et certain. T'es sûr qu'elle va pas avoir un autre mec ou. Ouais, c'est ça. Pas. Parce que peut-être en fait la meuf elle essaye simplement de te dégoûter d'elle, tu vois, en disant les trucs comme ça alors que c'est pas du tout vrai, c'est juste pour que tu la lâches. C'est une possibilité aussi. Pourquoi elle ferait ça? Je sais pas, parce qu'elle a pas assez de courage pour te dire que. Je sais pas, c'est une théorie. On te le souhaite pas après, Arnaud. Hein. On nous dit essaie de discuter avec elle. Et faites-vous un planning. Non, on veut pas te faire peur, Arnaud, mais bon, après, essaye d'être au moins sûr. Va lui faire une surprise peut-être demain. Fais-lui une surprise, tu passes et tout à l'improviste. Tu lui dis, je te dérange juste 5 minutes, comme ça t'as. Et tu lui dis, tiens, on va prendre une douche à deux. Ouais, voilà. Et offre-lui ouais. Un petit axe dry, là, ça lui fera du bien. Essaie de discuter avec elle et faites votre propre planning, on nous dit sur l'SMS au 3044. Bah oui, mais bon, il reste que deux jours, ça sert à rien, c'est un peu trop tard. Ouais. En même temps, toi, elle te fait pas chier quand tu travailles, alors laisse-la étudier et au moins après, elle sera plus près, à plus avec toi après, on nous dit. Bon, après voilà. Après avoir pris un bain ou une douche. Ouais, bah c'est ça, mais d'office, Arnaud. Bon, frérot, passe la voir à l'improviste histoire d'être sûr quand même, ok? Ouais, je vais essayer de faire ça. Bon, je te fais un big up. Ouais, big up à vous, hein. Merci beaucoup, Mike. Yes, Arnaud, tu reviens quand tu veux dans l'émission 02851 4x0. Vous débarquez, vous tous et vous toutes, en direct. On est connecté aussi sur la page Facebook de l'émission Mike ouais. Open Space. Il y a Coralie qui est sur le retour du festival Mon Incroyable École là, qui devrait arriver d'ici minuit 30. Maître Kevin aussi. Ah, j'ai des dossiers sur Maître Kevin aujourd'hui. Ouais. Ah, j'ai vu une interview de lui. Il fait des interviews. Le gars, c'est Nelson Montfort. Ah oui, je oui. vous en dis pas plus. Il a un anglais. Frérot, on voit qu'on a été dans la même école. Voici Justin Timberlake sur Fun Radio avant de faire le tap à l'info mec avec Jonathan. C'est Can't Stop the Feeling dans l'Open Space. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere. When you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Rushing on. I don't need no reason. Don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. When you dance, dance, dance, feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Bonne nuit, merci d'avoir choisi Fun Radio. Bienvenue dans l'émission la plus incontrôlable du pays. Jusqu'à 2h du matin, c'est l'Open Space dans vos oreilles. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Avec Jonathan, oui. Avec Zezel également, qui est là, l'homme de l'ombre au standard en l'absence de Coralie, qui devrait pas tarder à arriver. Coralie m'a envoyé un petit message, c'est bon, elle arrive, elle est sur la route. Oh, en attendant, bien. Tu peux rappeler le numéro Zezel. Alors le numéro c'est le 02 851 4x0. Les SMS, vas-y. Alors, les SMS soit au 3044. On est pas mal, 50 centimes, attention. Ou soit participer donc à nos petits jeux de toute la soirée au 6322 en inscrivant Mike suivi du jeu auquel vous voulez participer. Exactement, attention c'est 2 euros par message. Je me suis fait engueuler parce que on rappelait pas les tarifs. Donc ouais. Faites attention, c'est un petit peu cher. Et sinon c'est gratos sur la page Facebook Mike Open Space. Je suis en train d'observer le bonhomme là, Zezel. Il te regarde avec un de ses regards. Je suis pas sûr qu'ils veulent prendre la place de Coralie. Hein. Un regard assez langoureux. Ah ouais. Il dit les numéros en te regardant avec un air, vas-y, ça va lui plaire et tout. Ah ouais, il va kiffer. Ah, tu donnes tout, hein. Ça a changé entre toi et moi, Zezel. Oui, je sais. Bon, non, on va pas continuer ce délire. c'est assez chelou comme ça, cette émission. Tiens, les amis, j'ai une nouvelle en ce jour de fête de la musique. Ah. Une nouvelle qui va intéresser tous les mélomanes. Oui. Puisque la vie de Susan Boyle a été adaptée en comédie musicale. Ah, génial. Et ça va sortir en DVD Blu-ray. Waouh. Et oui, mesdames et messieurs, Susan Boyle, vous vous rappelez, c'est la dame d'incroyable talent. Ouais, ouais. Il n'y avait pas que ça d'incroyable d'ailleurs chez elle. et sa vie a été adaptée sur scène. Ça a eu un succès fou en Grande-Bretagne. Putain. C'est la chanteuse Helen Smith. Je sais pas si vous voyez qui c'est qui interprète pas trop, Susan non. Boyle. Je la connais pas. Bon, a priori, elle doit être moche. Ah, ben je Helen crois. Smith, voilà. Mais ce qui est fou, c'est que ça sort en Blu-ray. Et j'ai maté ça avec les détails. Et grâce aux détails, tu sais, des Blu-ray, je me suis aperçu, les amis, qu'on nous avait caché la vérité. Quoi? Mais grâce au Blu-ray, la vérité a été éclatée. Mais laquelle? Susan Boyle est une truite. Je ne vous mens pas. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu le film? Pas la comédie musicale, mais le film sur la vie de Susan Boyle. Non. Jonathan, t'as pas vu? Bah, je sais pas, elle est dans. T'as pas vu Shrek? Bon, très bien. Allez, tape à l'info, mec, avec Emily, qui est là avant d'écouter Boss et Linkal en DJ Party Fun. Bonsoir, Emily. Bonsoir. Comment est-ce, Emily? Ça va bien? Ça va et vous? Bah, ouais, tranquille, t'as fait quoi ta journée, Emily? J'ai regardé Netflix. Enfin, tu regardes quoi? Orange is the New Black. Quelle série sur Netflix? Orange is the New Black, parce que là, la nouvelle saison est arrivée ce week-end. Ah ouais, c'est pas mal ça, Orange is the New Black. Ouais. J'aime bien, c'est quoi? C'est la saison 5? La saison 4 là. 4. D'accord, ok. J'aime bien avec la petite blonde là, elle est sympa. Ouais, pas mal. J'aime bien le concept. Non, non. Ah, moi j'aime bien le concept de mettre des femmes dans une prison et qu'elles se font des léchouilles entre elles, qui ont de la chatte. Montrez-moi de la touche. Mike. Attention, excuse-moi Emily, Coralie est pas bien, je suis pas bien. Alors Emily, on va jouer au tape à l'info mec. Tu choisis, je vais désigner Zezel d'office pour jouer face à toi au tape à l'info mec. Connu d'office. Jonathan va vous donner des informations insolites qu'il a pêché sur internet. Il vous donne le début, vous avez 40 secondes pour lui poser des questions auxquelles il peut répondre par l'affirmatif ou par la négation. Et à l'issue de ces 40 secondes, vous devez proposer une réponse, une suite à l'information insolite. Ça joue comme au tir au but, c'est un point chacun, ok? Oui. C'est bon, Emily, cadeau Fun Radio évidemment, si tu gagnes ce tape à l'info mec. C'est bon. Here we go, tape à l'info mec. Tape à l'info mec. Emily, tu commences ou tu laisses Zezel commencer? Ouais, n'importe, ouais. Bah choisis. Bah moi, d'accord. Tu commences. Allez, Emily. Écoute bien, en allant aux toilettes, une femme a découvert quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Un serpent. Non. Pose des questions. Un animal? Oui. Un alligator? Non. Une araignée? Non. Putain, c'est un mammifère? Non. Un reptile? Non. Ou un insecte? Non. Est-ce que c'est vivant? Oui, c'est vivant, oui. Putain. Je sais pas. Il te reste 10 secondes. Putain, c'est vivant. C'est oui, tous les animaux. Une plante, un champignon. Je peux te dire, c'est vert. Susan Boyle. Susan Boyle. Non. Non, c'est un amphibien en fait. C'est des grenouilles. Ah, d'accord, mais il était pas loin. Mais c'était pas loin, voilà. En fait, ça s'est passé en Australie. En allant aux toilettes, la femme, elle a trouvé des dizaines de grenouilles. Alors, tu sais pourquoi, Mike? Non. Bah, demande-moi. Mais pourquoi? Bah je vais te le dire. Donc en fait il y a eu des inondations là en Australie dans la région où ça s'est passé. Et donc du coup avec les courants d'eau, les grenouilles se sont retrouvées là. Et en ouvrant la cuvée des toilettes, elle a vu des dizaines de grenouilles sur ses toilettes. D'accord. Elle a immortalisé le moment, j'ai vu la photo, ça fait flipper. Elle aurait dû les capturer, elle aurait dû faire des cuisses de grenouilles. Bah, elle a vu toute la famille à bouffer après, c'est très très bon. Tant qu'à pas se mentir. Ah, il y a Coralie qui vient d'arriver, je suis mieux. Ah ouais, déjà là. Alors, attention, Zezel. en mettant une annonce pour vendre son canapé. Attends, on va accueillir Coralie en Rennes, en star. Mais c'est sympa, attends, elle a, elle a un polo Fun Radio et tout, grave stylé. Coralie, tu parles dans le micro? Bonsoir, oui, c'était bien mon incroyable école. C'était super cool. T'as un polo avec le prénom du boss de Fun Radio, pourquoi? C'est moi là, parce que en fait personne n'a pris une polo pour moi. Ah d'accord, donc t'as le prénom, t'as le polo du boss. Il y a eu un souci de fabrication en fait, donc mon polo n'a pas été prêt à temps, c'est tout. D'accord, ils ont peut-être vu ta photo, ils ont cru que t'appelais Grégory, non? Enfin je sais pas, c'est pour ça que... Ok Coco, oui, bon allez, installe-toi au taf, parce que là il y a du boulot Coco. Attention, excusez-moi, je vous ai coupé. Bon, je dois quand même le faire avec Zezel pour le coup. Alors Zezel, en mettant une annonce pour vendre son canapé, une jeune femme a fait une petite erreur, laquelle? Est-ce qu'elle s'est trompée dans le prix? Non. Est-ce qu'elle s'est trompée d'adresse? Non. Elle s'est trompée de divan? Non. Elle a pris une photo de la poêle en même temps dans le miroir? Pas dans le miroir. Ah putain, donc elle a pris une photo d'elle? En fait oui, oui t'as l'info mais on va pas le dire, t'as l'info. T'as l'info mec. T'as l'info, en fait c'est pas vraiment, elle a pas pris une photo d'elle pour la mettre volontairement sur l'annonce. Mais c'est à dire qu'en mettant les photos de son canapé pour le vendre, elle a mis une photo d'elle avec son sein. Et d'ailleurs elle a un très joli piercing, donc elle a 25 ans, elle s'appelle Jessica, elle a des putains de gros nichons. Je vous montrerai la photo après, vous allez tous dingue. Ah ouais? Et ouais en plus, bah après ça a été enlevé, le modérateur du site a enlevé le truc. Mais il y a quand même des internautes qui ont pris des capteurs d'écran. Et pas mal la meuf, hein, vraiment pas mal du tout. Ok, mais c'est pas la première fois en plus que ça arrive souvent. Ça arrive souvent, voilà. J'ai vu lui aussi l'histoire d'une meuf qui a posté une annonce comme ça, sauf que c'était pas elle à poil, c'était elle avec son amant derrière à poil. Et du coup, son mec a vu ça, évidemment, c'était la fin du monde, et divorce et tout qui quanti quoi. Eh ben voilà. On en fait un autre, attention, c'est toujours 0-0. Ah non, 1-0 pardon pour Zezel. Alors, Emily, il faut absolument que tu marques ce point. Émilie, un homme en Russie, un homme en Russie s'est échappé de prison, mais de quelle manière? Par les barreaux? Non. Par les barreaux. Je sais pas. Il a creusé un trou? Non. Il a sauté par-dessus la clôture? Non. Par la porte? Il s'est fait passer pour un garde? Non. Putain. T'es pas loin, hein. Franchement, t'es pas loin, mais c'est insolite en fait. Comment je peux te dire? Il s'est fait passer pour quelqu'un? Non, il s'est pas fait passer pour quelqu'un, non. Il s'est vraiment échappé de sa cellule, voilà. Il s'est caché dans un endroit particulier? Non. Dans le bac à linge, non? Vous avez pas l'info. Non, en fait, simplement, c'est tout con. Mais c'est un truc de dingue parce que j'ai vu la vidéo. En fait, le mec, il est passé par la trappe où ils appellent ça le passe-plat. Donc, tu vois, t'as un trou dans la porte. Mais si, t'as un trou dans la porte, oui. Tu vois, où là, les prisonniers reçoivent leur plateau repas pour dîner. Ah, il est passé par là? Et il est passé par là. Alors, j'ai vu la vidéo parce qu'elle a été capturée par une vidéosurveillance. Mais c'était Stromae ou quoi? Parce qu'il faut être super maigre. Franchement, le mec, je sais pas, il pesait 35 kilos, on voyait ses côtés et tout. Il est passé donc comme une lettre à la poste, en fait, on va dire ça. Et il est passé comme dans la boîte aux lettres. C'est dingue. Il a retiré ses vêtements, il les a pris, donc il avait attaché ses vêtements à son pied. Il s'est rhabillé et en se rhabillant, t'as un maton qui est venu le chercher, qui l'a remis dans la cellule. En fait, il a fait tout ça pour rien. Le gars, ça fait 6 mois qu'il se tapait un régime pour se faire prendre de l'autre côté de la porte. Il est grave quand même. Bon, voilà. Bah, très bien. Ok, on en a un dernier ou pas? T'as pas l'info? Zezel a gagné, donc voilà. Bon, ok, bah les victoires de Zezel. Bravo Zezel. Merci. Désolé Émilie. Bisous, bonne soirée. Tu reviens quand tu veux tenter ta chance, ok? Bisous Émilie. Ouais, ça va, y'a pas de soucis. Bisous, je te repasse quand les antennes. Raccroche pas, Émilie. 02851 4x0. Vous tous et vous, tout en direct dans quelques instants sur Fun Radio. J'ai des news inutiles pour vous. Et puis, c'est le son de Boss et Linka avec Mandalo J. Voici un DJ Party Fun là, que vous retrouvez chaque week-end avec le poteau Oli entre 20h et 4h du matin. Ce sont ses Body Trembles. Bonne nuit tout le monde. Et bonne nuit la famille. Jusqu'à 2h, bordel, dans tout le pays, c'est l'Open Space. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Régalez-moi, il ne reste plus que 7 émissions avant la fin de la saison, les amis. Je compte sur vous pour me faire exploser le standard là, pour venir me parler de tout et de rien. 02 851 4x0, il y a Jonathan dans la place. Ouais. Il y a Coralie également qui est arrivée. C'était bien leur moment d'incroyable école. C'était super bien. Le moment que t'as préféré cet après-midi et ce soir? Le moment que j'ai préféré cet après-midi, je pense. Quand tu m'as retrouvé. Oui, bah entre autres déjà, je viens de te le dire un instant en plus, peut-être tu m'as manqué. Ouais. J'avais envie de te retrouver. C'est mignon. Voilà. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Hein. Exactement, je me sentais très seule là-bas sans toi. Ouais. Et j'avais à quoi poney, je suis désolé. Tu m'as envoyé plein de messages en plus. Ah bon, tu m'as envoyé des messages? Tu m'as répondu quand même. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Bon, et donc le moment que t'as préféré? Le moment que j'ai préféré, j'ai kiffé quand Lara a été dans la foule. Ouais, c'était sympa. Parce que Lara s'est foutue dans la foule en fait, et je crois que c'est un moment que j'ai bien kiffé. Ou alors avec Rof, il y a Rof qui est venu nous voir et tout. Il a offert des téléphones, super cool le gars, franchement. Ah, il a une marque de téléphone maintenant, c'est ouais, ça ouais. Ouais. Tu m'as ramené un téléphone française. Ok, merci, on peut compter sur toi comme d'habitude. Il y a Pepe Lounge qui arrive dans 5 minutes sur Fun Radio. Love the one you is. Le sample de Michael Jackson là. Et là tout de suite, voici de vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes. Voici l'heure de vous donner les infos. Balayax. Je me sens seul. Attention, c'est les infos. Écoutez bien de vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes. L'estomac du homard, ça a des dents. Ah bon? Voilà. Comme ça. L'équipage Apollo 10 avait entendu une musique bizarre venant du côté sombre de la Lune. C'est une information qui a été maintenue secrète par la NASA pendant plus de 40 ans. Waouh, et pourquoi? Bah, c'est une musique secrète qui a été entendue, voilà, on sait pas d'où ça vient, je sais pas. Est-ce que c'est pas la preuve qu'Amel Bent a bien réussi à viser la Lune? Est-ce que on tient pas un truc? Et dernière info inutile, vous allez essayer de trouver, c'est quoi ça? Je remets? Jonathan. Je sais pas, un cri de singe. Écoutez. C'est pas un truc de métal? Oui, c'est un truc de métal, mais c'est une particularité. Bah, ce son-là, voilà, c'est dans le Guinness Book, si vous voulez. C'est le plus gros rot du monde? Non, c'est la chanson qui a été reconnue comme étant la plus courte du monde. What? Elle s'appelle Yo Surfer, c'est le groupe Napalm Death qui a fait ça, et elle dure exactement 1 seconde et 316 centièmes. Et voilà. Comment ça peut être considéré comme une chanson? Ah, j'en sais rien. Je suis médusé. C'était les infos. Mais t'imagines, genre ce son-là programmé sur une radio, genre comme Fun Radio. 40 minutes de son métal à la suite sur Fun Radio avec Napalm Beach. On vient de se faire Napalm Beach. Et c'est Napalm Beach qui arrive. Et Napalm Beach dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis Fifth Harmony aussi. Celle-là, elle dure un peu plus. C'est que du kiff, on est sur Fun Radio jusqu'à 2h du matin, c'est l'Open Space. Mike Open Space. Mike Open Space. Reviens tout de suite. Maintenant. Sur Fun Radio. Et allez faire un tour sur la page Facebook de l'émission Mike Open Space. Gagnez votre smartphone Alcatel Pop 4 5 pouces. Grâce à Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Evan et la tribu dès 6h et l'Happy Hour avec Audrey dès 17h. Et repartez avec votre smartphone Alcatel Pop 4 avec son processeur quad-core et son écran 5 pouces en envoyant Pop par SMS au 6322. Le message. Les cadeaux high-tech, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Soldier, baby. Yeah, I know you built like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Man, she don't got a stepping at the dance. Give me the thing, I'll make me rock, rock, rock, rock. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Man, she don't got a stepping at the dance. wanna fly ya. They wanna tame your desire, but you light it up, now your aim getting higher. Vous empêcher de dormir. Sur Fun Radio. Bonne nuit, merci d'avoir choisi Fun Radio. Dans quelques instants, j'ai pour vous les titres à la une de l'actualité. Demain, c'est le JT déjanté qui arrive comme chaque soir. Le si pas bien aussi, le jeu le plus dur du monde. Il ne faut pas dire si pas bien, faut faire deux fois le même son, ni plus de deux secondes de blanc. Il y a une montre connectée qui est à gagner si vous tenez 30 secondes comme ça. Vous inscrivez en envoyant M-I-K-E, plus le code si pas bien au 63-22. Attention, c'est 2 euros par message. Voici Fifth Harmony sur Fun Radio avant le JT déjanté. Bonne nuit tout le monde. Put in them hours. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're all. You gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're bonne nuit, merci d'écouter Fun Radio, c'est l'Open Space. Total délire, 100% tolérance, Radio Bordel. Mike Open Space, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Il est minuit pile, on est en direct, c'est l'Open Space avec vous, différent de tout ce qui se passe ailleurs. Oui. À la même heure sur la bande FM, encore 7 émissions avant la fin de la saison. Bah oui, mais je vous le rappelle parce que c'est important, c'est pour rappeler qu'il faut kiffer encore chaque moment qui se passe. Mais oui, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est vrai. Et tu me dis ça le jour où j'ai passé à mon avis la pire journée de ma vie. On va pas se mentir, je vous dirai quoi demain. Oui, on a une réunion demain. Mais voilà. Ok. Vous faites pas trop d'espoir. voilà, je vous dirai quoi demain parce qu'on a demain matin, on a une réunion avec, avec tous les boss, etc. Alors ça aussi. À 10h du matin. Levé à 9h. À 10h du matin. Enfin, ton frérot, on termine l'émission à 2h30. C'est ça. Ah, c'est peut-être parce qu'on la termine à 2h30. D'accord, ah ouais. Ah, ok. D'accord, bon, on termine à 2h30 l'émission et demain 10h. Mais on prendra des snaps et tout. Je rafraîchis ses ailes. La dernière fois j'avais fait sur tous les Snapchats, je faisais Zezel. Ça avait fait beaucoup rire les Snapchatters et les Snapchatteuses là. Et bah, je vous en reprendrai demain matin. Zezel, tu seras là demain à la réunion, hein, 10h du mat. Oh putain. C'est ce qu'il faisait le gars. Il y a Big Flo Oleg qui arrive dans quelques instants sur Fun Radio. Bah, je pense que je vais venir avec ce son là demain. Ah ouais. Big Flo Oli, et tout de suite c'est l'heure de vous donner les titres à la une de l'actualité demain. Voici l'heure du JT déjanté. Transformation en Mike Morello, fils caché de Carlo. Hello Gonathan. Hello Coralie. Hello à tous. Pas de méprise. Et oui, si vous passez sous la fenêtre de Zezel et que vous entendez sa meuf dire mais bien le zizi dedans, pas de panique, elle s'adresse juste à son neveu qui apprend à faire pipi dans le pot. Les oiseaux se cachent pour mourir. Oui, bah force est de constater qu'ils sont beaucoup moins pudiques quand il s'agit de chiches. Je vis comme je veux. J'aime dormir nu et si les gens sont pas contents, et bah ils peuvent changer de bus. Ne paie rien pour attendre. Rajoute on devant. On ne paie rien pour attendre. Oui, sauf si tu vas à Disneyland. On dit qu'en amour, il faut parfois ouvrir son cœur. Mais après, on fait comment ? Il y a plein de sang, il respire plus. Oh. C'est dégueulasse. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Et avec vous tous et vous, tout en direct, au 02-851-4x0, on fait la qualification de la Belgique, puisque ça y est, on est qualifié pour les 16e de finale de l'Euro. Les 8e. Pour les 8e, pardon. Grâce au match qu'ils ont fait, donc d'office c'est la meilleure 3ème, donc quoi qu'il en soit, peu importe le match de demain, peu importe le match de l'Italie contre l'Irlande, on est en 8ème et l'Italie jouera contre l'Espagne aussi. Et bravo à l'Espagne qualifiée, même s'ils ont perdu ce soir, bravo aux Croates qui ont gagné d'ailleurs face aux Espagnols, bravo aux Croates, bravo aux Turcs. Ah, on va gagner. Bah, belle victoire des Turcs face à la République tchèque. 2-0. On commence ça tout à l'heure avec Maître Kevin et on fera la suite du Lotto Foot. Est-ce que ça bouge au niveau classement, Jonathan ? Ça a bien bougé. D'accord. Mine de rien, ça a bien bougé. Bon, bah, ce sera dans quelques instants les résultats du Lotto Foot. Si pas bien, aussi à venir sur Fun Radio. Et puis, on va tester la véracité de certains clichés. Vous le savez, on en a marre des clichés dans l'émission. On en a marre des amalgames. On a décidé d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour essayer de stopper le phénomène. Quel est le cliché que nous allons essayer de démonter ce soir, Jonathan? On avait du mal à faire démarrer le truc, mais là c'est bon, on a pris le Concorde. On appelle ce soir Monsieur Lyon pour savoir si Lyon est mort ce soir. C'est pas un cliché? Bah non, mais c'est une musique. C'est une chanson. Ouais, mais c'est bon, marrant. Tu sais quoi, tu le fais. Tu vas assumer tes conneries. Okay. On est marre de prendre toujours pour toi, moi. Hein, j'étais trop potrigé, je pense. Donc là, tu vas assumer devant toute la Belgique tes conneries. D'accord. On appelle un Monsieur Lyon. Oui. C'est son idée, c'est pas la mienne. Ah, j'avais oublié que quand on faisait un canular dans cette émission, ça ne répondait jamais. Parce qu'ici, c'est pas truqué et c'est peut-être le problème. Bonjour, n'étant pas disponible pour le moment. Oh, ta gueule! Et en plus, le standard qui me lâche au même moment, tu sais, c'est magnifique. Merde! Et Coralie, le standard marche plus! Ah, ça bug complet. On va être obligé. Ouais, ça bug de ouf là. Bon, on annule ce SOS cliché, je pense. D'accord. Attends, je sonne partout! Oh merde! Qu'est-ce qui se passe, bordel? Attends, est-ce que ça va? Dernière chance. On se calme, on se fixe. Là, c'est pour ça que je voulais pas le faire, le SOS cliché. Je savais que ça allait pas répondre. Ils m'ont demandé juste avant, j'ai dit je suis pas très chaud. Eh ben. On aurait dû t'écouter. Bon, allez, Osef. Bonjour. En plus, c'est la même qui m'a racheté. En plus, camarade, c'est la même. Bon, bah très bien. Bon, on le fera pas. Laisse tomber. Tu sais quoi? Attends, je prends l'idée. Ouvre la fenêtre. Alors, jette ton idée. C'est bien cassé la gueule sur ta voiture d'ailleurs. Ah là, c'est sur celle de Toto Roger. En fait, on va pas se mentir, c'était juste pour passer la musique. En fait. Ouais, mais on avait rippé le son donc j'en profite. Merci de nous écouter, les amis. C'est l'Open Space. Ça part en vrille. Hein. Si on comprend rien, c'est normal, nous non plus. Minuit 6 en direct avec le Si Pas Bien, le jeu le plus dur du monde qui arrive. Je vais pour se faire appeler Serge Fondepet. Juste après Big Flo et Oli. Le son c'est Mytho sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Libertad. C'est pour les potes d'un pote mythomane. Pire qu'une drogue, à chaque fois ça finit trop mal. Je voudrais qu'il me l'avoue, qu'il me le dise. C'est tout depuis qu'il ment, comme il respire, je m'étouffe. Allô docteur, je me sens mal. J'ai peur, je crois que mon pote est mythomane. Il déconne, je le soupçonne depuis des mois. J'ai surpris en train de répéter ses phrases avant de rentrer chez moi. Il commande une pizza mais dit que c'est lui qui cuisine. Pour faire croire qu'il est en couple, il traîne en ville avec sa cousine. C'est horrible, ça empire, comment faire? Fils unique, il m'a dit sur la tête de mon frère. Ça devient gênant, je te jure, j'ai peur de le voir. Mais c'est mon pote alors, je fais semblant de le croire. J'entends oui quand il dit non. Je connais toutes ses mimiques quand il parle. En live de Miami à la piscine municipale. Putain, ça devient difficile, je perds la raison. Est-ce que c'est bien sa maison? Est-ce qu'il nous a dit son vrai prénom? Je fais des tests, j'enquête, je deviens parano. Quand il se tait, je sais qu'il en prépare un autre. Le pire, c'est que je vais douter le jour où il va mourir. Je mélange le faux et la vérité dans tous mes souvenirs. Promis, juré, craché avec le sourire. Il me fait même plus marcher, il me fait courir. On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as pas de pote, mytho, c'est que c'est toi le pote, mytho. On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as pas de pote, mytho, c'est que c'est toi le pote, mytho. Tous un comme ça, une fille ou un gars. On l'aime même s'il dit n'importe quoi. On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as pas de pote, mytho, c'est que c'est toi. Bon, j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Bon j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Il a que des embrouilles, tu m'étonnes. Vu que tous les jours, il m'y tonne. Quand on lui demande d'où sortent les infos qu'il nous donne, c'est www.mytho.com. Il est fort comme un bœuf, il fait que grosse teuf. Il sort avec plein de meufs, au moins 29. Au moins 29 ? Aucun mytho n'est trop gros. Et quand on lui demande, il a perdu les photos. Il a la classe d'un acteur quand il joue. Il dit qu'il était dans le même club que Zizou. Ah ouais, je le connais bien moi. Non mais attends, pourquoi tu mens? Ça fait 10 ans que t'es remplaçant. Il évite les conneries toute la journée avec les potes et nous pousse à bout. Faut qu'il évite, faut qu'il arrête, faut qu'on amène voir un marabout. Pathétique, il empire, c'est pathétique. Il pourrait dire que sa mère est morte pour un paquet de chips. Paraît qu'il est champion en toute catégorie. Que c'est le troisième frère de Big Flo et Oli. Et quand j'y pense, le pire c'est quoi? Lui qui m'étonne ou moi qui y crois? On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. Tous un comme ça, une fille ou un gars. On l'aime même s'il dit n'importe quoi. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi mon prochain bout. Au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Bon j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. C'est pour les potes d'un pote mythomane. Pire qu'une drogue, à chaque fois ça finit trop mal. Je voudrais qu'il me l'avoue, qu'il me le dise. C'est tout, depuis qu'il ment, comme il respire, je m'étouffe. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. Tous un comme ça, une fille ou un gars. On l'aime même si il dit n'importe quoi. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi. Bonne nuit sur Fun Radio, l'Open Space est là. Ladies and gentlemen, Mike Open Space. L'émission qui va vous empêcher de dormir. Sur Fun Radio. Une grosse pensée pour vous tous et vous tous en blocus, en fin d'examen là. Ouais. Les amis, courage, hein, c'est bientôt fini. Pensez pour celles et ceux qui sont en mode taf ce soir. Les agents de sécurité, les policiers, les détenus également. Ça les nous infirmières. Écoute de tous les côtés. Les personnes qui bossent, voilà, exactement, dans le secteur hospitalier. Les patients aussi, ça nous écoute beaucoup là. Ouais, bien sûr. Vous attendez peut-être. Vous êtes peut-être pas très bien en ce moment. Bah, on est avec vous, les amis. On essaye de vous arracher un sourire jusqu'à 2h du matin. Rehab, c'est ce qui arrive pour la suite du son Dance Floor Freak. Un petit classique de David Guetta, tiens, qui allait tout à l'heure dans l'émission. Si un son que vous voulez vous écouter, bah, comme d'hab, vous pouvez m'en faire la demande au 3044. C'est vous qui faites la prog et on peut changer pour vous les musiques à la dernière seconde. Minuit 10, l'heure pour moi d'appeler Serge Van de Put. Attends, j'arrive. Serge Van de Put, bonsoir. Tiens, le temps de vous installer, il y a quelques messages. Désolé de vous contredire au 3044, mais si la Suède gagne et l'Irlande gagne aussi, on finit quatrième du groupe, donc on est éliminé. Ah, bah ça, c'est une info de Jonathan qui. Donc voilà, allez l'écouter. Tu veux que je le rappelle, l'autre con là? Non, bah non, écoutez, il s'est trompé. Comment. Coucou, vous m'avez manqué tout le week-end et deux jours malade. C'est Déborah qui nous dit ça. Bah, on est content que tu sois de retour, Déborah. Salut à tous, merci pour la montre connectée. Je l'ai reçue dans le site. Ah, bah ça tombe bien. Et comme quoi, c'est la preuve qu'on envoie bien les montres connectées. Eh ben, voilà. Parfois, elles mettent un peu de temps à arriver. On n'est pas du mytho. C'est pas de notre sort, hein, c'est le voilà. Service cadeau. Alors, Serge Vente de Pute, oui. Les montres connectées en oui. Respectant toutes les règles, aussi c'est drastiques ça. Soient-elles, du si pas bien, rappelez-les-moi. Les règles, c'est pas compliqué, il y a 3 mots à pas prononcer. Le si, le parle bien. Il faut tenir 30 secondes, pas faire 2 secondes de blanc et surtout pas répéter 2 fois la même chose. Sinon, c'est bardaf. Exactement. Coup d'envoi du si pas bien. Let's go. C'est le si pas bien, dans Mike Open Space. Le jeu le plus dur du monde. 02-851-450. Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre dès maintenant, comme chaque soir, avec Benoît qui est là. Salut Benoît. Oui, bonsoir. Ça va Benoît? Ça va. Tu fais quoi ce soir? Rien. Rien du tout? Et t'as fait quoi aujourd'hui? Oh, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est-à-dire? Travailler. Tu travailles dans quoi? Dans le jardinage. Dans le jardinage? Vas-y. T'as dit si, non? Possible. Il a dit possible. Ouais, il plus, a dit possible. J'ai pas compris. Ouais. Bouge pas, Benoît. Quand la question 6, c'est bien ce qu'il me disait. Possible, il me semblait, ouais. Pardon. Gilles est là pour Serge Vente de Pute. Salut Gilles. Salut bonhomme. Comment tu vas? Salut bonhomme. Salut toi. Eh, le son bien, voilà. T'arrives, tu fais le malin, Gilles. Voilà. M'appelle hey. Bonhomme en plus, il est fou. Salut ce mon type. Petit bonhomme. Il est complètement malade. Déby est avec nous. Allô Déby. Hello. Déby. Hello. Hello. Deux fois hello. Deux fois hello. Merde. Voilà, on sent que t'es déçu, Déby. Déby. Déby qui fait également le doublage des voitures dans Taxi 4. Avec sa voix. Voilà. Bouge pas, Déby. Eliane est là pour Serge Vente de Pute. Ah, salut Eliane, comment tu vas? Normal, et toi? Excuse-moi? Normal. Deux fois normal. Voilà. Ne vous laissez pas piéger par Serge Vente de Pute. Si pas bien, pas deux fois le même son. Pas deux secondes de blanc. Bah ouais, mais tu viens de te faire piéger, Eliane. Tu vas avoir une deuxième chance. Allez, deuxième tour pour tout le monde. Et c'est Benoît. Benoît, c'est quoi ce bordel? Benoît! Je suis là. Ouais, bah il y a des interférences dans ton téléphone, mon Benoît. Moi, je sais pas. Eh bah ouais. Je sais pas. Je sais pas, Benoît. Le son pas. Ah là là. Bon, c'est perdu, Benoît. Bonne soirée. Ouais, toi aussi. Ah, merci, frérot. À bientôt dans l'émission. Salut, salut, Benoît. Gilles pour Serge. Allez, Gilles, c'est toi qui m'as appelé, mon petit bonhomme, hein. On va dire que c'est toi. Eh, hey, t'as pas honte, Kate. J'ai tout l'honneur. Mais tu sais qui je suis? Tu peux me le dire? Ah, ben bien sûr que je vais te le dire. Je suis le boss. Le boss de Rabidou. Intéressant. Intéressant, c'est ça que t'as dit? Exactement. Ah, exactement, deux intéressant, fois. Deux fois le sang en. Et ouais. Et on t'encule. Non, j'ai conne. bonne soirée, Gilles. Va quand même se calmer, hein, monsieur. Bonne soirée, Gilou. Ouais, bonne soirée. Je te repasse Coralie, désolé. Salut, Kate. T'essayes beaucoup de jouer aussi pas bien, de tenter ta chance, Gilles? Ok. Rarement. Ouais, ok. Non, mais c'est fini, Gilles. Laisse tomber. De toute façon, ça fait trois fois. Il est encore dans le jeu. T'inquiète, frérot, tu reviens quand tu veux. Débit, tiens, pour Coralie, on va faire un match de femmes. Bonsoir, Débit. Salut. Comment tu vas? Bien. Bien. Au revoir, Débit. Oh là là, c'était facile. Bisous, Débit. À bientôt, c'est perdu. Bisous, à bientôt. Salut, Débit. Ouais, ouais, bisous. À bientôt. Ouais. Merci, Débit. Eliane. Gilles Verdez. Pour Serge, vente de pute. Hé, hey, Eliane. Eliane. Oui. Tu t'es entraînée, ma fille? Ma fille, mais malade. Mais... On va dire. On va dire quoi? Un peu. Un peu quoi? Bah, deux secondes de blanc, hein, eh ouais, fini. Deux secondes de blanc, ça va vite, hein, deux secondes de blanc. Oh là là là. Eliane, c'est perdu, tu étais la dernière. Et personne n'a pu nous battre ce soir aussi pas bien, n'a même pu dépasser les 20 secondes. Bisous, Eliane. Bisous à toi. Et c'est encore une fois la preuve que c'est bien le jeu le plus dur du monde, ceci pas bien, qui reviendra dès demain sur Fun Radio à partir de 23h. Vous vous inscrivez en envoyant le code MIKE plus si pas bien. Vous balancez ça au 6322. Attention, c'est 2€ par message. Sinon, vous pouvez vous inscrire gratuitement aussi sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez envoyer un petit message en privé, il n'y a pas de souci. Ça marche également. Minuit 14 sur Fun Radio. Dans quelques instants, il y a les défourrons en préparation. Ouais. Qui en fera les meilleurs moments de l'émission également. Ah, c'est la fin de l'année. T'as raison. Donc on va se refaire les plus beaux moments de cette année parce qu'on a quand même bien kiffé, ouais, sur Fun Radio cette année. Et voilà, on va se remémorer quelques souvenirs dans quelques instants. Pourquoi pas refaire un si pas bien avant 2h du mat là, si vous voulez vous inscrire tout de suite, c'est 6322. Il y aura la nouvelle star de l'Open Space également, parce qu'il faut penser à notre succession, c'est à ça. Nos remplaçants l'année prochaine. Ce sera peut-être vous voulez faire de la radio avec nous, vous inscrivez au 02 851 4x0. Et Coralie, rappelle ensuite la page Facebook de l'émission. La page Facebook, c'est Mike Open Space, vous pouvez nous envoyer tous vos messages et je les lirai à l'antenne. Voici Rehab sur Fun Radio, bonne nuit. Let me live on the line. I got a little freakiness inside, and you know that the man has got to deal with it. I don't care what they say, I'm not about to pin nobody's way, 'cause it's all about the dog in me. Mm-mm. I want a freak in the morning, a freak in the middle. I don't care what they say, I'm not about to pin nobody's way, 'cause it's all about the dog in me. Mm-mm. I want a freak in the morning, a freak in the evening, just like babe. You are that kind of man, 'cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret, you ever sing? 'Cause we don't give a damn about a thing. 'Cause I'll be a freak until the dawn, all through the night gone. Take you around the hood, on against the beat. Any time of day is okay. Thanks. I'll be a freak until the dawn, through the night to the dawn. Come on, look on against the lead. Mais soyez bons. Avec vous tous fidèles au poste sur Fun Radio, vous tous et vous tout en direct, faites-moi exploser le standard, Coco, le numéro. Le 02 851 4x0. Ah, tu dis bien. Je sais. Ah, tu vas me manquer pendant les vacances, Coralie. Oh, toi aussi tu vas me manquer. C'est une façon de te dire qu'on ne se verra pas pendant les vacances en fait. Car je compte me mettre au vert. Je ne vais plus voir vos gueules pendant les vacances et ça va me faire du bien. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. Non mais rien, je me demandais où je me plaçais dans cette histoire en fait. Bah tu fais partie de la team là, je m'adresse à l'équipe. Ah non, tu t'adresses à Coralie. Ben non, non, non, je m'adresse à l'équipe. J'ai dit je ne vais plus D'accord. voir vos gueules cet été. Okay. Et si jamais je t'invite au restaurant chinois? Ça passe. Je dis oui. Ah oui, je dis oui. On salue les maquis qui nous écoutent. On salue les nems également. On ira tous les jours au resto chinois. On salue les canards laqués. Je sais qu'on est premier sur les canards laqués. Et c'est au moins ça, c'est au moins l'une de nos fiertés. C'est ça. Les amis, tiens, on nous envoie un toc-toc-toc sur les SMS au 3044. Toc-toc-toc. Qui est là? Personne, connard, c'est juste une poule qui part vers l'an. Voilà. J'adore. J'ai même pas compris. T'es con. Toc toc toc, toc, toc. Voilà. Ah, oh, je n'explique jamais une vanne. Run Naskid, c'est ce qu'on écoute dans 5 minutes sur Fun Radio pour le Sundance Floor. Et Maxou qui est avec nous, 23 piges nivelles. Salut Max. Hello Max. Ouais, salut. Comment ça va Max? Sur les nerfs, mais ça va. Ah, qu'est-ce qu'il y a Max? T'es vénère, tu veux faire un défoulement Max? Ouais. Je vais faire un défoulement sur une espèce de pute là qui m'a bien saoulé là. D'accord, et c'est qui? C'est ton ex-meuf? Non, c'est une meuf en fait sur qui j'ai été ultra love pendant genre plus de 2 ans. Mm-hmm. Et c'est absolument pas intéressé à moi parce que bon bah c'est pour clair, j'avais pas une thune et compagnie. Ouais. Et maintenant que je gagne bien ma vie et que je me suis bien fait plaisir au niveau de la bagnole, bon pour pas citer Porsche Cayenne, bizarrement maintenant elle me tourne autour quoi. Bah d'office, c'est une Porsche logique, Cayenne, là. Tu te fais plaisir quoi quand même. Ouais. Non mais j'ai bien bossé, pour hein, j'ai quand même voilà. Mais voilà, bizarrement maintenant que j'ai ça. Elle a changé d'avis sur toi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, elle est vénale la meuf en fait. C'est ça, c'est un peu ça. Mais au moins tu t'en aperçois quoi. J'espère juste qu'elle va l'entendre le défoule parce que là ça va bien la mettre sur le cul. Ne t'inquiète pas, je te sens ultra énervé. Tu vas tenir 30 secondes dans quelques instants et tu vas avoir 30 secondes pour afficher cette fille là. Tu l'as rencontrée où cette fille? Au lycée là-bas. D'accord, très bien. Et donc elle a jamais voulu de toi. Et là depuis que t'as une Porsche Cayenne, elle change un petit peu d'avis. C'est ça. C'est quoi le plus beau cadeau que vous ayez offert en couple? Dites-moi sur l'SMS au 3044, Jonathan. Mon amour. Ça suffit ça, largement. C'est une réponse de crevard ça. Mais ça suffit largement. Bah ouais, mais tu vas pas arriver le jour de la Saint-Valentin. Ou le mec fauché. Non mais disons que simplement les cadeaux je les fais au quotidien. La Saint-Valentin j'aime pas. Même que je suis jamais en couple le jour de la Saint-Valentin. Mais de base j'aime pas. Et j'offre des cadeaux comme ça pour pas de raison. Un jour voilà j'avais décroché un job. Et ben dès que j'ai décroché le job j'ai été acheté je sais pas, je pense que c'était une coque iPhone ou un truc comme ça. Ah d'accord, c'est la folie. C'est un grand dépensier, Jonathan. Chez Karl Lagerfeld en plus. Putain, m'avait coûté un plomb. D'accord. Coralie, le plus beau cadeau que t'as fait Oh là là, j'offre jamais rien. Ah ouais? Je n'offre jamais rien, je fais pas de cadeaux. C'est vrai que tu m'as jamais fait de... Ah, des restos quoi. Je suis en train de réfléchir, ouais, des restos. Mais ça c'est bien, tu vois, c'est utile au moins. Enfin, des petites attentions, elle fait genre elle ramène des sandwichs, fait des doses comme ça. Ouais, voilà, mais je fais jamais... Non, pas de gros cadeaux parce que voilà, c'est matériel donc ça... Je préfère vivre un moment avec la personne plutôt qu'offrir quelque chose qu'il va acheter au bout d'un moment. La femme parfaite. Ouais, non, mais un moment ça se revend pas sur eBay aussi, tu vois ce que je veux dire. Bah oui, bah. Non, c'est sympa, mais bon. Tu dois le kiffer le moment. Voilà. Bon, Max. Tiens, ouais. Max, vite fait, j'ai quelques chiffres sur les femmes qui, justement, aimaient beaucoup les grosses cylindrées. Écoutez, c'est paru il y a quelques jours dans la presse. Voilà, je vous le donne. Ouais. 68% des sondés admettent. Trouver les hommes avec une voiture plus attirant que ceux qui n'en ont pas. Eh ben voilà. Mais ça dépend des caisses, non? On met le doigt dessus. On a donc la preuve que 68% des femmes interrogées dans ce sondage sont des femmes vénales. Bah oui. Uniquement attirées par les grosses voitures. Ah oui. 68% des femmes vénales. Les 32% qui restent, c'est des moches. donc. 88% des épouses allant voir ailleurs préféreraient en effet les amants, qui possèdent une voiture de marque allemande. D'accord. Donc BMW, Mercedes, etc. Audi. Voilà. Ok. Et à noter que le cabriolet, c'est 17%. Il est largement dévancé par le 4x4, 34%. Les filles, vous préférez largement les hommes qui ont une grosse voiture. Depuis que j'ai le Cayenne, là, c'est. Ah, on l'a perdu. On t'a perdu. Il s'est fait écraser par le Cayenne. Ouais, tu nous disais, pardon, depuis que t'as le Cayenne. Ouais, si, depuis que j'ai le Cayenne, c'est ouf comme je peux pécho si je veux. Ouais, mais ça, c'est la capote. Vous préférez avec les filles, c'est pas une. Légère... Et puis un 4x4, tu vois, c'est tout terrain, ça peut se voiturer dans le chemin boulot. Ouais, bien sûr. Théorie graveleuse, je vous l'accorde, théorie nébuleuse, mais ça se tient quand même. Quand même. Voilà, merci. Default room, t'es prêt, Max? Ouais. On y va, 30 secondes pour insulter la meuf vénale Que tu kiffais pourtant, Max. Heureusement, t'as ouvert les yeux, frérot. Fais-moi rêver. 3-2-1. Allez. Allez. Écoute-moi bien, sale pute. Là, pendant 2 ans, je crevais après toi. J'étais prêt à me foutre dans la merde, à la limite à pas bouffer à la fin du mois, juste pour pouvoir t'inviter au resto. Et maintenant, j'ai un Cayenne. Ça y est, tu te sens plus. Ça y est, t'as envie de me pécho. Non, mais attends, t'as cru quoi? Mais vas-y, mais rentre chez ta mère. Mais vas-y, mais va te rhabiller, va t'acheter une vie. Fais la pute, fais quelque chose. Et tu sais quoi? Le Porsche Cayenne, c'est pas toi qui vas en profiter parce que je me tape ton frère, salope. Ah ok. Est-ce que vous attendez pas à la fin là? Est-ce que vous avez compris un truc? Non, mais j'ai écouté juste la fin. Il se tape son frère. Tu te fais son frère, vraiment? Ouais, depuis 2 mois maintenant. Excuse-moi, c'est toi la pute en fait. Bah non, il sortait pas avec la meuf. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais si, ça fait 2 ans qu'il est avec toi. Non, ça fait 2 ans qu'il court après. Pour la faire rager, parce que moi, je suis bi, hein, mais le frère, il me fait pas plus que ça, mais c'est juste pour la faire rager, parce que lui, du coup, le frère, du coup, mon copain, il a accès au Cayenne Mobile. Et tu penses qu'elle écoute et tout? Je pense qu'à mon avis, elle doit écouter là, ouais. Bon, on lui enverra la pige, gratos. C'est quoi son prénom? Émilie. Et bah Emily, on te fait des gros bisous, voilà, je suis désolé, tu profiteras pas du Porsche Cayenne. Si ça tu se trouve, la meuf était pas du tout vénale, elle s'est vraiment rendu compte qu'elle t'aimait et tout. Non, et je pense pas. Elle a voulu être gentille et tout et voilà. Mais par contre Emily, si tu kiffes les Honda Civic de 1980, Mike en a une. Non, 98, arrête tes conneries. 99 ma bagnole, ça va, je bosse à Fun Radio les gars. Ah j'ai pas une Merco, voilà, comme certains. Bah moi j'en ai pas. Non, je parlais du gars qui faisait l'émission avant moi. Ah d'accord. Ouais, bien. Non, c'est pas une Marco, c'est Mitsubishi. Ouais. Ah bah on a la classe ou on l'a pas. Voilà, ou on a l'expérience ou on l'a pas. Moi, on a la thune ou on l'a pas. C'est plutôt ça. Bon Max, bonne soirée mon pote. Ouais, bonne soirée. Bon, tu reviens quand tu veux dans l'émission, je te repasse Coralie au standard, frérot. 02851 4x0. Le prochain, c'est Younes qui veut faire la nouvelle star de l'Open Space. Bonsoir Younes. Hello you. Bonsoir à tous. Comment ça va Younes? Super, et vous? Bah ouais, tranquillement, Younes, tu veux faire la nouvelle star, tu veux être notre remplaçant. Ouais, c'est moi la nouvelle star. Eh ben, on te le souhaite, par contre, il va falloir que tu fasses un truc pour la qualité du téléphone, frérot, je comprends rien à ce que tu racontes. Ça va être chaud, ouais. Bon, tu m'appelles de tes toilettes, Younes? Non, d'une caverne. Ah ouais, d'accord, ok. Il est dans les caves, Younes, il est en train de tourner, apparemment. Tu m'entends mieux, là? Non, c'est pas terrible. Younes, je vais te repasser Coralie, ok? Et puis on se fait ça juste après le son de Naskin. Oh, ok. Ça va? Bah bouge pas mon pote. Nouvelle star de l'Open Space à venir, et puis Younes, si t'as la mis en note, bah tu repars avec une montre connectée. Et pour le son, c'est Naskid qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio. Bonne nuit. Bum bum bum. Fine. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Minuit 29 sur Fun Radio en direct. Il est temps que la fin de saison arrive parce que je n'ai plus de casque. Ouais. Mon casque aura tenu. Mais tu sais que ça fait 7 ans que je l'ai. Ah ouais. 7 ans que j'ai. C'est des casques solides, c'est les casques de radio, tout ça. Bon, ça y est, parti en couille. Voilà. Bon. La housse vient de se détacher, les amis. Je vais essayer quand même de finir l'émission là jusqu'à 2h. Peut-être que c'est un signe. Faut que t'arrêtes la radio. Peut-être. Mais j'espère que non, Mike. Eh bien, j'arrête la radio définitivement dès maintenant. Non, reviens. J'arrête dès maintenant. Non. Il va falloir me convaincre. Allez-y, essayez de me convaincre. Je te ferai un resto chinois vendredi. C'est bon, je suis convaincu. Yes. David Guetta dans quelques instants sur Fun Radio. J'avais préparé plein de trucs. Il allait me proposer quoi, lui? Ah, j'ai simplement dire que t'es le meilleur animateur radio du monde, mais bon, après. J'arrête de nouveau la radio. Je t'invite au resto chinois la semaine prochaine aussi. Je reprends de nouveau. Attention, la proposition. Je vais fermer ma gueule. Ah, je quitte Fun Radio alors. Non, je quitte Fun Radio. Très bien, d'ailleurs, demain matin, on a une grosse réunion avec les patrons. On parle pas. On angoisse un petit peu. Alors, je sais pas si vous angoissez pour vous lever à 10h du matin ou pour ce qu'ils vont nous dire. En fait, Coralie, je sais que toi, c'est pour ce qu'ils vont nous dire. Ouais, moi, ça Et Jonathan, c'est parce qu'il doit se lever à 9h. Mais écoute, en sachant que je me suis quand même couché à 8h30 ce matin. Ça va être très chaud demain. Ok, donc je prends le pari avec tous les auditeurs ce soir en direct sur Fun Radio. C'est malade. Que demain matin, je vous tiendrai au courant sur mon Facebook Make Up and Space. Que demain matin, Jonathan ne répondra pas au téléphone. Et il va me répondre, il va me dire: oui, mais tu sais, j'avais coupé mon téléphone et tout, il me réveille, je l'ai pas entendu. T'as prévu cette excuse depuis combien de temps? Bah, non, parce qu'en fait, en un an, j'ai loupé environ toutes les réunions. Donc j'ai déjà utilisé tout mon quota d'excuses. Donc demain. C'est-à-dire que demain, on est quand même le 22 juin. C'est magnifique. Demain, je vais arriver à la réunion et je vais aller voir le patron. Je vais dire: je vous présente Jonathan. Attends, c'est ça. C'est magnifique quand même cette histoire. Attends, parce qu'il prépare quand même une autre excuse. Tout à l'heure, il m'a dit: je ne me sens pas bien. Ah. Ah non. Mais non, oui, mais attends. On t'a capté, Jonathan. On sait que tu prépares une excuse. Écoute, tu sais quoi? On verra au feeling. On verra. Non, je serai là sans problème. D'accord. Et je ferai des snaps, tiens. Bah, au cas où tu peux. Enfin, au cas où, voilà. Au cas où, sachez-le, ça peut être la dernière de Jonathan ce soir éventuellement. Ah non, si il ne se réveille pas demain matin. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Bah, juste pour ça, je viendrai alors. Ah bah voilà. Parce que bon, me lever à 10h du matin, c'est pas vraiment kiff, mais de là jusque 2h du mat, je kiffe, tu vois. Donc. Parfait. Bah, profites-en. Un bon échange de bon conseil. Profites-en parce qu'il reste 7 émissions avant la fin de la saison. Ouais. Les amis, et on va les kiffer. Minuit 31. Ah bah, Younes, peut-être notre remplaçant, notre successeur. Oui, c'est moi. Bah, je te le souhaite, Younes, 19 ans, tu viens de Liège. Ouais, c'est ça. Alors vas-y, petit test d'animateur radio déjà, on va voir si tu connais bien la radio sur laquelle tu postules. La fréquence à Liège. Vas-y. Alors c'est à moi là. La fréquence à Liège, dis-moi. La fréquence 92.11. Ah non, là, 92.11. Non, ça c'est KIF, ça rien à voir. Non, c'est 99 FM. C'est comment encore Il me raconte quoi? 99 FM la fréquence à Liège, Younes. Tu nous écoutes sur internet ou quoi? Merde. Sur le téléphone, tu non, j'ai oublié. Ah ouais, d'accord. J'ai oublié. Y a pas de galère, mon Younes. Bon, frérot, tu vas faire de la radio, tu vas avoir 2 minutes carte blanche. C'est la nouvelle star de l'Open Space. Et pendant ces 2 minutes, tu m'as préparé normalement une chronique, un billet d'humeur. Enfin, je t'ai laissé vraiment carte blanche. Qu'est-ce que tu m'as réservé? Dis-moi tout. J'ai préparé ma radio qui sera Netio Radio. Et je voulais la présenter alors. D'accord. Ok, très bien. Bon, t'es sur ta radio, c'est ton émission, Younes. Et, ouais. Et vous toutes à la maison. Eh ben, j'aimerais que vous notiez Younes sur 10. Vous balancez votre note sur 10 au 30-44. On fera une moyenne, Younes, toute l'équipe va te donner aussi des notes. Et si t'es premier, tu repars avec une montre connectée et avec une belle prestation et peut-être un beau truc à mettre sur le CV si tu nous remplaces l'année prochaine. Ok, ouais. Younes. Inch'Allah. Et Inch'Allah, mon pote. 3, 2, 1, Younes, c'est ta radio, c'est ton moment, mec. C'est mon moment. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur la radio 10 Soleil, la radio 10 Horaires, Nestio Radio. Donc aujourd'hui, on va passer aux choses sérieuses. Comme il est passé minuit, les enfants dorment, on va dévoiler le plus gros dossier jamais vu dans les studios de Fun Radio. Alors on va commencer par Coralie qui a eu une histoire extra-conjugale marocaine avec Hamid, un ex-djihadiste qui était parti en Syrie. Là il est revenu, là il est à Bruxelles, je sais pas, la police y cherche. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on est déjà trop dit. Pour continuer cette émission, on va donc parler du match du Diable Rouge qui est tant attendu demain contre l'Algérie. Moi, je vois un 3-0 pour l'Algérie. À mon avis, c'est ça qui va être le score final. 34 bon, je vais vous laisser décider après. Et donc, voilà, les choses les plus sérieuses sont dites. On pourra peut-être parler du match de la France. On a vu Pogba qui a souri. Est-ce une provocation pour son entraîneur qui n'a plus de dents? Ça, je ne sais pas. On verra. Donc, voilà, j'espère que vous passez un très bon moment sur mon émission et sur ma radio du sourire, du soleil. Merci à vous. T'as fait qu'une minute, là, Younes. Ouais. Il te reste encore une minute. C'est long, 2 minutes. Ah ouais, c'est long, 2 minutes. Hein. Une minute. Ah, c'est très long, mais bon, on va essayer de reprendre le fil du sujet. Donc alors, on peut quand même développer le sujet des coralliers, oui. Donc je parlais avec Hamid, qui a une relation extra-conjugale marocaine, il ne faut pas oublier marocaine. Donc apparemment, cette fille serait partie en Syrie, on ne sait pas, on ne la retrouve pas. Mais d'après les médias belges et français, cette fille serait capturée et elle ne pourrait même plus bouger en Syrie. Donc la dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était dans les studios de Fun Radio, habillée d'une burqa toute noire, juste ses yeux. Mais bon, voilà, je ne sais pas si c'était elle. Et on a voulu la mettre à côté des poubelles, mais elle n'est pas partie. Donc voilà, merci, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et là, ça fait 2 minutes, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Tu peux pas terminer chacune de tes interventions par Inch'Allah. Je veux bien que tu le fasses de temps en temps, pourquoi pas. Why not? Non, mais why not? 100% open space, toutes les religions, tout ça. Voilà. Mais tu vas terminer par chaque. Voilà. Bah sinon, non, sinon c'est France-Maghreb. Ici c'est Belgique-Maghreb, le bordel. On va pas se mentir. Ah, j'ai bossé sur France-Maghreb d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, c'était sympa. T'expliquais tout à l'heure, ouais. Ouais, j'ai bossé sur une petite radio. Non, j'ai fait mon possible. Bon, hey, Younes. Ouais. Bon. Alors, nous allons passer au débrief. Des notes qui arrivent pour toi au 30-44, Younes. 7 sur 10, c'était pas mal. Drôle, le gars, on nous dit 8 sur 10. 2,5, j'ai pas du tout kiffé. 1 sur 10, on nous dit. 5, 8,5 sur 10. Tu vois, c'est assez hétérogène aussi au niveau des notes. On va faire la moyenne, Younes. Et on va te donner des points dans l'équipe. 3 sur 10, on n'est pas habitué à sa voix. C'est Déby qui nous dit ça au 30-44. Mais c'est normal, il est nouveau. Bah voilà, c'est sûr. Alors, attention, débrief. Toute l'équipe va débriefer ta prestation. Coralie. Alors. J'ai bien aimé. Je crois que c'est une des premières fois que je dis ça. J'ai bien aimé. Je trouve que, voilà, t'avais quand même un bon 10 sur 10 qui vient d'arriver. T'avais quand même un bon débit de parole. T'as su trouver des choses intéressantes à dire, même si je n'ai jamais eu de haute aventure extra-conjugale avec un djihadiste, je le précise. Ok. Et voilà, c'était chouette. Dommage que tu t'es bloqué sur les 1 minute, mais sinon, c'était vraiment bien. Donc moi, je mets 7 sur 10. 7 sur 10, c'est la meilleure une bonne note. Que je donne, hein. Jonathan. Bah écoute, ouais, moi pareil, j'ai super bien aimé. Je me suis juste senti un petit peu mal à l'aise quand il a dit Inch'Allah. Voilà, je sais pas. C'est fou, quoi. Non, il a dit deux fois. Non, mais Inch'Allah, ça veut dire grâce à Dieu, c'est ça, si Dieu le veut. Ah, c'est ça. Ça veut dire si Dieu le veut, c'est Dieu ça. Bah voilà, ça n'a rien de péjoratif, quoi. C'est non, j'étais complètement parti sur autre chose. Non, franchement, sans déconner. Tu regardes trop la télé, Jonathan. Ah, je crois, ouais. Mais non, en plus, on angoisse là, avec ce qui s'est passé ce matin. Enfin bref, non, c'est vrai qu'il y a une alerte assis. Bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le mec, il déchire, il est vraiment bien, il avait un contenu. Et je crois que même s'il avait pas préparé un truc, il a fait de l'impro et c'était pas mal, il s'est bien rattrapé. Donc moi je lui donne une très bonne note, je lui donne un 8. Je suis très gentil. Un 8 sur 10, c'est pas mal. Bon, et moi j'ai trouvé que ça, c'était drôle. Et t'as écrit ou pas, Younes? C'était écrit tout ça? Vite fait, le début. Ah, moi j'ai bien aimé. Coralie, après, j'ai fait de l'impro, là. Ah ouais, c'était drôle. Mais alors tu vois, on est monté et on était bien là sur une minute de très très haut niveau. Voilà, et puis derrière, paf, dans ta gueule, j'ai l'impression d'écouter Guillaume Play. Mais j'avais pas prévu assez en fait, je savais pas que c'était ça. Mais dans la partie 2, il a quand même précisé que Coralie est habillée d'une burqa noire et juste pour ça, j'ai envie de le voir, tu vois. Bah, j'ai envie de plus voir Coralie, donc c'est pour ça que j'ai envie que voilà, de mettre une burqa noire, ce serait pas mal également pour eux. En plus, le noir ça amincit, c'est bien Coralie, toi qui veux pas faire de régime en ce moment. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Répète ta question. Oui. Bah, Jonathan, pose la question qu'il a posée. Non, fait. J'aimerais juste savoir si t'as pas envie de porter du noir, parce qu'il paraît que c'est un mincier, comme en ce moment tu manges beaucoup. Non, j'ai pas dit ça, putain, qu'est-ce que... Non, j'ai pas dit ça, Coralie. Bon, alors Younes, pour ma part, donc j'ai trouvé que c'était drôle, bien écrit. T'aurais peut-être dû faire un peu plus, frérot, prévoir toujours un peu plus. Nous, ouais. Dans l'émission, on a une obsession, c'est de terminer trop en avance. Alors donc, que jamais, en fait. On prévoit toujours masse de trucs à faire, de chroniques, de séquences dans l'émission, etc. Et c'est pour ça qu'on termine toujours ultra labour. Ouais. Et non, franchement, pour c'est ta première fois à la radio, Younes? Pas la première fois, mais je veux dire, ouais, que je dois rester comme ça longtemps, ouais, ma première fois. Ah ouais, t'animes sur quelle radio? Non, je veux dire, j'anime pas, mais je veux dire, ah là, comme ça, animé, ouais, c'est ma première fois, ouais. Je crois que tu disais déjà. Bah, franchement, c'est bien, mon Younes, continue, hein, lâche pas l'affaire, ok, frérot? Et je te mets. Ah, alors, comme t'as pas respecté le timing, je t'enlève un petit peu de points. Comme tu t'appelles Younes, je t'enlève un petit peu de points. Non, je déconne. Je te mets un 8,5, Younes. Ah putain, je crois que c'est ta meilleure note. Non, ma meilleure note, c'était Antep, je crois. Ah 9, oui, c'est vrai. Mais là, je te mets un bon 8,5, Younes. Et sur les SMS, on nous dit 3 sur 10, 7,5 sur 10. Il y a un 6 qui arrive aussi, là, maintenant, tout de suite, au 30-44. Ouais, c'est un peu la moyenne, hein. 6,5, c'est un peu la moyenne. Alors vas-y, la moyenne des auditeurs, 6,5. Ouais, c'est la moyenne. C'était 6,40 et quelques, mais j'ai mis 6,5, donc j'ai arrondi, tu vois. Oh, c'est sympa. Les auditeurs ont tendance à être plus sévères que nous, c'est normal. C'est vrai. Donc voilà. Alors, la moyenne des auditeurs. Donc ta moyenne générale, attention Younes. Alors la moyenne générale. On va voir si t'es devant Entep qui est leader pour l'instant. Hop. Fois 2. Attention. Eh ben il est pas devant Entep. Il a était presque. Il est 6,7, on l'a rendu à 7. 7 sur 10, Entep, c'est pas mal du tout pour l'instant. T'es deuxième ou troisième, je crois. Il est deuxième. Eh ben bravo Younes, c'est quand même pas mal et je t'envoie du cadeau pour te féliciter de cette deuxième place, ok? Ah bah merci, c'est gentil. Tu reviens quand tu veux Younes et lâche pas l'affaire frérot. Merci. T'as un nom, mon pote. A bientôt, Nasiouch. Nasiou. Salut, Liège. Big up, big up. A plus, mec. Ciao. Minuit 39 sur Fun Radio. On refera une nouvelle star de l'Open Space avant la fin de semaine, jeudi. On l'a fait jeudi, c'est l'avant-dernière, jeudi. Voilà, bah pour vous inscrire, 30-30-44 ou un petit message en privé sur le Facebook Mike Open Space. Si tu veux plus voir Coco, je suis là, Mike. Bisous, Rachel. Même pas en rêve. C'est qu'elle m'a appelé, Rachel, hier. T'étais là ou pas? Oui, j'étais là hier, merci. Je excuse-moi, quand Rachel m'appelle, je ne te vois plus, je ne vois plus rien autour, Coralie. Je ah oui, suis bah je vois désolé. Ça, franchement. Moi, je t'invite au resto, pas elle. Oh, c'est gênant. Oh, voilà. Voici David Guetta sur Fun Radio. Non, mais t'es chiant, c'est tout le temps. Ma mère avait raison. Ma mère avait raison. C'est toi, tu me saoules. Attends, les micros, merde. This is the edge of patience. You won't prove yourself to me. Still you drain my soul. And even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Even though it hurts, I can't slow down. Open Space. Mike Open Space. Le soir sur Fun Radio. Despacito. mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar. Mi José Vigana la van a envidiar, baila como diosa, Sachino Bogdán. Le son de l'été, on ferme les yeux là, on se croit sur la plage, à siroter un petit mojito tranquille. Deoro Bailar sur Fun Radio. Passez une bonne nuit tout le monde, c'est l'Open Space. Are you ready? Une galère, appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bon. On est là en direct jusqu'à 2h du matin, il est minuit 46, merci de nous avoir choisi les amis. Je vous le répète, encore et encore, il ne reste plus que 7 émissions. Avant la fin de la saison. Oh là là, putain. Ouais, ça fout le seum ou pas? Tu m'aimais mal, Mike. En ce moment, ah, c'est pas aussi, la joie. Je suis pas bien là. Je suis pas bien du tout. Ah, moi non plus, c'est pas très la joie. Donc, notre moment de kiff, c'était le soir à la radio. Et ouais, je sais pas ce qu'on va foutre de tout l'été. On pourra faire peut-être des caméras cachées. J'ai peut-être un projet de caméra cachée, faudrait que je t'en parle. Ouais, d'accord. On sait l'été, ouais, voilà, vu qu'on va se faire chier de toute façon. Ça n'a jamais été fait de toute façon donc. Easy, ouais, bah c'est une nouveauté. G-Easy qui arrive dans quelques instants sur Fun Radio, ça aussi c'est nouveau, c'est Me, Myself and I. C'est dans 5 minutes sur Fun Radio. Et Coralie, il y avait des auditeurs qui nous avaient demandé que tu revois ton classement des plus beaux mecs de Fun Radio. C'est vrai? Parce que tu nous l'avais fait il y a quelques semaines dans l'émission. Oui. Et ça n'avait pas plu à tout le monde. J'ai même eu des pressions internes à Fun Radio, on va pas se mentir, pour que tu refasses ce classement. Ok. Notamment une pression d'un mec qui fait le 20h, 4h du mat le week-end. Ouais. Salut, c'est sur Fun Radio. Ah, il était très beau aujourd'hui. Party Fun. Ah ouais? Oui, il était scoopé les cheveux. Ah, Oli qui m'a mis la pression. Il veut que tu refasses ce classement. Il y a Sandro également qui était pas bien classé. Oui. Donc tu vas nous refaire le classement. On a le temps là, on a 2 minutes avant d'écouter G-Eazy, avant de vous prendre au 02851 4x0. D'accord. À la place de numéro 10, réfléchis bien et cette fois-ci on prend pas 20 ans pour le faire. Okay, parce que la dernière fois c'était 150 ans. Ok, numéro 10. Parce que dans 150 ans on se souviendra plus. En numéro 10, ben écoute, je vais mettre Bertrand. Ah, le responsable commercial. Il est beau gosse. Oui, il est un peu vieux, mais. Il est très beau gosse, Bertrand. Allez, il a très beaux cheveux. Il est vieux, il a une trentaine d'années. Très beaux cheveux. En 9ème position, je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre en 9ème position? Je vais mettre Sandro. Et attention, Zezel aussi a fait pression sur toi pour que tu changes. Ah, désolé, Zezel. Je vais mettre Sandro. Tout à fait, je vais mettre Sandro. J'étais même pas dans le classement, moi. Bon, allez. En 8ème position, je vais mettre Jonathan. Mais n'importe quoi! Il est 8ème! Attends, tu veux dire Jonathan, que moi. Non, mais Jonathan, attends, parce que c'est mon classement. Mais sauf que Il faut que tu me regardes. Je fais une tête en plus que toi. Tu es maigrichon, je suis plus forte que toi. Je suis pas maigrichon, ma pauvre. T'es trop grosse, c'est tout. Tu te calmes, tu parles mieux à ma meuf. Mais quoi, tu rigoles, ça veut dire qu'elle me met en dessous de Vince. Mais je regarde la face de ta meuf. Mais qui dit qu'il va être dans mon classement déjà? Mais Vince est bien plus beau que toi d'ailleurs. Mais n'importe quoi. On va se mentir. Vince est dégueulasse et je suis le plus beau de Fun Radio, messieurs. Non mais sans déconner, toi tu te trouves plus beau que moi, Mike. Oui, toi t'es le plus beau de toute façon. Mais lui, il a le zézel là, il est dégueulasse. Il met des. Non, 8ème, tu verras. Vas-y, c'est bon, continue. Ah, il est vénère. Ah, ouais, je suis vénère. Content, putain. Il est pas bien, bon, il est énervé. Deuxième position, je vais mettre Mine. Mine, c'est qui? Ah, c'est l'ancien stagiaire. Exactement, un petit asiatique. Ah, en plus, donc j'étais, oui. Ah, j'étais. Ok, tu préfères l'asiatique. Deuxième position, je mets Jonathan. Il a gagné une place. Ah, super. Ce sera pour le 7,5 sur 10 que tu m'as mis dans ta face. Ensuite, en 6ème position, il y a qui d'autre encore à cette radio? Ah, ben ça me passe. Il y a Zézel qui te regarde depuis tout à l'heure qui dit putain, je suis pas dans le classement encore, t'es, à mon avis. T'es sérieux, tu préfères Zézel? Attends, attention. On en est à la 6ème place. Je vais tenter 7ème, s'il te plaît. Bah là. Et moi, je serais peut-être pas dans le classement cette fois-ci. Bon, arrête un peu, elle va te mettre en premier. Non, non, non. 6ème position, je continue donc. Je vais mettre. Ah, j'avais la personne en tête, je l'ai oublié maintenant, c'est votre faute encore. Sinon, ça va au niveau de la vieillesse. Alan. Je pense qu'il y a Lucas. Je vais mettre Younes. Ah, Nessiu. Je le trouve très mignon, Younes. Ah, bien. Le stagiaire de Vince. Je vais rien dire. Bah, ne dis rien, mais moi je le trouve très mignon. Donc, tu trouves Younes plus beau que Jonathan? Oui. Il est dégueulasse, t'as vu son cul? T'as mis son cul sur Snapchat? Attends, excuse-moi, moi, comment t'as vu son cul? Bah, elle l'a mis sur Snapchat. Il l'a mis son cul sur Snapchat tout seul. Excuse-moi, moi j'ai un cul, ma fille. Il a tombé par terre, mais t'as vu le cul, Younes, en fait, il a plein de boutons et de pustules dégueulasses dessus. Je m'en fous de ton cul. Bref, cinquième position, je mets Evan. Evan. Evan. Je suis plus moche qu'Evan, sans déconner. Hey. Ah oui, là, j'ai rien d'autre à dire à part oui, totalement. Voilà, comme ça tu sais. Il est dégueulasse, Evan. Quatrième position, je mets Oli, mon petit Oli chéri. Oli, ça passe. Il est beau gosse, Oli. Ah, t'acceptes d'être plus moche qu'Oli. Oli, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un DILF. Un daddy I'd like to fuck. Donc voilà, Ah d'accord. Voilà. Ok. Dans ton jargon à toi alors. Bah, il y a les MIF et il y a les DILF. Position. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le un moment gênant. Voilà, dans le milieu. Troisième position, je mets Vince. Ah, que troisième. Très bien. Vas-y, c'est bon. Deuxième position, je mets Bibou. Ah, Bibou. Ouais, Bibou, ça va. Bibou. Ouais, Bibou, de la Power qui fait le 13-17. Allez. Et alors, oh putain, non, j'ai oublié quelqu'un. Faut que je change. Désolé, Jonathan, je te vire du classement. Je me laisse sur ta place. Mais t'es sérieuse? Mais ça va. Attends, non, ça va. Donc, tu préfères virer Jonathan que Younes, par exemple? Ou que Bertrand, qui est dixième? Bien sûr que je préfère laisser Bertrand. En fait, ce qui me dérange, c'est que je suis hors classement et je pense, j'en suis persuadé même que je préfère être hors classement plutôt qu'avec des moches comme ça. Donc ça me dérange pas. Tu m'insultes comme ça, comment? T'es pas dans le classement, toi. Je suis pas dans le classement encore. Voilà. Première. Il reste une place. Voilà. Alors j'hésite. Soit je mets le nom de la personne qui est sur mon pull. Ah, Grégory. Soit patron. Je mets la personne qui est à ma droite. Je préfère mettre la personne qui est à ma droite, c'est-à-dire toi, Mike. Voilà, merci. Mais Grégory est inscrit à gauche d'ailleurs. Tout ça sur pour ça. Le prénom Grégory, oui, est inscrit à gauche. Sur mon cœur. Ouais, mais il a piqué ma place. On est jeté du oui, classement. Mais toi, tu es à l'intérieur, Mike. Donc Zézel pas dans le classement, je m'attends pas dans le classement. Non, mais façon. Ça fait du bien d'être respecté un petit peu. On prend 10 minutes de l'émission juste pour un classement de merde comme ça. Voilà, tout à fait. J'avais besoin de remettre les pendules à l'heure ce soir dans l'émission. Je suis pas très bien. Tu resteras toujours premier dans mon cœur. Merci beaucoup, ça me fait une belle journée. Après, l'os se tromper en boîte tous les dimanches, sans déconner. Mais je me trompe jamais, t'es malade, ouais, quoi. Ça. Encore tout à l'heure, il y a des auditeurs qui m'ont demandé: ouais, alors t'as vraiment embrassé quelqu'un dimanche? Mais bien sûr, c'est vrai. Mais bien sûr que non, j'ai pas embrassé quelqu'un. Si, cela dit. Non, t'as pas embrassé quelqu'un, c'est quelqu'un qui a essayé de t'embrasser. Oui, qui a essayé de t'embrasser, et moi je l'ai repoussé. Et je lui ai mis un coup de pression, bâtard. Bon, voilà, je trompe personne. Minuit 52 sur Fun Radio, ça va aller, Jonathan. Non mais c'est vraiment une journée de merde aujourd'hui, laisse tomber. Bon, je ferai mon classement des plus grosses putes de Fun Radio, tes numéros. Le suspense de ouf. Voilà, lâche-le. Dans quelques instants, Maître Kevin, on va le retrouver sur Fun juste après. G-Eazy, Me, Myself and Knife. Dans l'Open Space, and I d'ailleurs. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks about this modesty. I just need space to do me, get a word what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone, I just need to be at home. Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. So got me for life. Woo, I don't need a handhold, even when the night is cold, I got that fire in my soul. And I don't like talking to strangers, so get the f*** off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go ape, say f*** out of all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my angers. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly, this is lovely. This ain't random, I didn't get lucky. Made it right here cause I'm sick with it, Cuddy. They all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Nah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a handhold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. I laid awake, pray the Lord my soul to take. My heart's become too cold to break. Know I'm great, but I'm broke as hell. Having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now, yeah, it's no debate. Yeah. Woo, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Woo. Yeah. Sur Fun. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Minuit 57 sur Fun Radio, cette émission avant la fin de la saison et cette émission pour kiffer ensemble avec vous tous et vous tout en direct. 02 851 4x0. Chris Cab arrive, c'est Badabing avec Youssoufa. 30-44, on vous dit oh non, je suis dégoûté, on va faire quoi sans vous cet été. Bah, j'espère qu'on sera de retour en septembre, quoi. Ah, Inch'Allah, on vous en dit plus demain, il y a une réunion. Et d'ailleurs, Jonathan qui est dégoûté parce qu'il est pas dans le classement des plus beaux mecs de Fun Radio. Et par c'est, Coralie. C'est la loi universelle. Je suis numéro 1. Eh oui. Bah, merci Coralie d'amour. Les premiers seront les derniers. Donc. Notre et les derniers seront les premiers. Donc, voilà. Je veux bien te mettre 7ème avec une Astérix. Non, regarde. Bah, en cas de décès, tu vois. En cas de décès d'un mec dans ton classement, ouais, tu mets voilà, Jonathan 7ème. Voilà, c'est pas. Ouais, voilà. Bon. Non, t'as mis qui 7ème à la place de Jonathan? Younes. Nacho. Nacho. Mais je pense que Nacho, même mort, il est plus beau que Jonathan. Attends. Elle a mis Nacho en 7ème. Bah, moi, je pense que si j'avais dû faire un classement, j'aurais mis Nacho en 2ème, tu vois. Ah ouais? Ouais. Mais on te demande pas. Nacho est très beau, mais il est petit en fait. Et vu que je suis très grande, je peux pas le mettre en 2ème. Ouais, tu prends voilà, la place. C'est vrai. Juste pour ça, ta gueule. Merci. D'accord. Tu le parles mieux, s'il te plaît. Non, mais t'es qu'un rageux, Jonathan. En plus, j'allais te donner la possibilité de te venger, mais. Mais non, vas-y. Non. Vas-y, s'il te plaît. Laisser la possibilité de faire un classement également, de donner des notes à chacun de l'équipe comme on avait fait, mais non. Ah, s'il te plaît. Non. Ah, je vais gentil. Non, je demanderai ça à Maître Kevin. Voilà. Non. Non. Allez, s'il te plaît. Non. Mais Mike, t'aurais été premier dans tous les classements que je fais de toute façon, donc. Bon, allez, on verra tout à l'heure. Ah. Mike, j'ai, comme j'ai perdu, c'est mon premier jeu, je peux compter sur toi pour dire un mot sur mon ex, que c'est un enculé bâtard, qu'il peut crever, que je l'achèverai et qu'il se fasse encore une thrombose pour ses 46 ans, et je me prendrai un plaisir comme aide-soignante de le laisser chier dans son linge et l'étouffer avec de la... Oh putain, ah ouais d'accord, il me détruit, mais il lui cède la plus grosse cresse à Michel, Michael, je vais pas dire son nom de famille, je suis dégoûté, dis-lui STP de la part de son ex Déborah, big up. Bah ça c'est fait en tout cas. Putain. Le plus gros défoulon qu'on ait reçu par SMS je crois. Ça fait mal. Laura ? Oui ? Bonsoir Laura, ça va ? Salut Lolo. Bonsoir, ça va ? Bienvenue Laura, oui super. Laura, 25 ans Nivelle. Tu veux faire un défoulon contre ton ex toi aussi ? Je crois que c'est la soirée, non ? Non. Ok. Bon, tu veux parler de quoi Laura ? Ah oui, t'es arrivé des galères. Il t'arrive des galères toi chaque week-end quand tu sors en boîte de nuit. Ouais voilà, c'est ça. Alors vas-y raconte. Bah en fait je sors assez souvent en boîte et en fait à chaque fois bah je ramène que des vieux barraquis. Enfin c'est plus des vieux barraquis qui viennent me draguer quoi. Ah ouais d'accord. Donc, tu es un aimant à barraquis. Voilà c'est ça. T'es une Renault 12 en fait. Une 4L. Ouais c'est ça, non mais et donc tu veux quoi? Tu veux parce qu'on peut rien faire pour ça malheureusement. Bah, peut-être des conseils en fait pour savoir comment je pourrais attirer plus de mecs un peu plus beaux quoi que. Mais raconte-moi la dernière fois que Laura, que tu t'es fait aborder par un baraki, tout ça, raconte-moi comment ça s'est passé, à quel point il a été relou. Bah, quand même, il me raconte sa vie et il est complètement bourré en plus, donc c'est pas forcément agréable d'avoir une conversation avec quelqu'un ouais, qui est. Nous, après, si on se bourre la gueule, c'est pas parce qu'on n'a pas le courage de venir vous aborder, les filles. Non, c'est vrai. On a besoin de notre petite potion magique pour nous donner de la force. Ça, et puis le fait que parfois ouais, vous êtes trop moche pour qu'on puisse vous accoster comme ça. C'est ouais, ça aussi, l'alcool avec vous rebelle, modération. En fait. Ouais. Tiens, bah, Jonathan, tiens. Ah bah non, mais je vais pas le faire, il y a que Coralie dans l'équipe. D'ailleurs, pour toi, Coralie, c'est une combien de verres en boîte de nuit je rappelle ce barème qu'on a donné dans l'émission que j'avais fait avec des potes, et d'ailleurs, j'avais fait avec toi, Jonathan, ce week-end qu'on est sorti pour te boire. Vous donnez, au lieu plutôt que de donner des notes, c'est un peu méchant de donner des notes sur 10, on donne un barème qui est pas plus méchant, pas plus gentil d'ailleurs, on va pas se mentir. À partir de combien de verres tu pourrais coucher avec? Voilà, moi, Coralie, tu es un verre. Ah ouais, t'as quand même besoin d'un verre, moi j'aurais dit zéro verre pour toi. Ah non, un verre, t'as grossi, je veux dire. Un verre, quand même. Faut pas y aller à jeun. Tu vois, par exemple, je sais pas, une 6 verres. 18 verres, Maggie 2 blocs, voilà, je sais ouais, pas. C'est ça. Alors vas-y, toi, Coralie, tu lui mets combien? Coralie, je lui mets 2 bouteilles. Ah, alors, direct. Deux magnum. De Dom Pérignon. Pourquoi tu vas dedans? Tu vas dire que j'étais juste un verre là. Soutiens-moi. J'ai dit juste un verre, mais chacun ses goûts. Mais il est Coralie. Méchant. Bah, c'est vrai qu'il est méchant. Ouais. C'est parce que là c'est fin de saison et il sent le vent tourner, il sent que tu vas choper son contrat. En étant impartial, en oubliant tout ce que j'ai dit avant dans cette émission. Non, en étant impartial, je t'aurais mis zéro vert parce que t'es quand même quelqu'un de vachement adorable et que je te kiffe. Moi, t'es trop mignon. Ouais, je t'aime, ma chérie. Moi aussi, j'étais mignon. Ouais, c'est mignon. Allez, bienvenue sur Radio Cassos. Je suis dans ton classement, non? Non, toujours pas. Ah, mais... Troisième avec une Astérix en cas de décès des 7 premiers membres. Ça me va. Voilà. Laura! Oui? Mais après, donc, est-ce que vous êtes, enfin, je sais pas, tu sors dans des établissements réputés pour accueillir des baraquis aussi, parce que je sais pas si t'as des établissements qui ont déjà leur réputation, bah, quoi. Non, c'est là tu les évites. C'est normal, quoi. 18-30 ans. D'accord. Et pourquoi tu vas pas aborder toi-même les mecs toujours, qui te plaisent? C'est vrai ça, les filles, putain, pourquoi vous attendez toujours qu'on vienne vous aborder? Changez un peu, vous, l'égalité des sexes. Ouais. Parce que justement. Bah non, mais c'est. Des fois c'est sympa aussi. T'es un mec, tu vois, t'es là, la meuf vient, c'est ultra flatteur. Et ça peut être un point positif pour toi. C'est pas faux. Ouais, mais y'a toujours la peur de se prendre un râteau, quoi. Ah, mais ça, on l'a tous, c'est hein, pas malheureusement. Incroyable. On l'a tous, la peur de se prendre le râteau. Ouais. Tiens, j'ai quelques chiffres, puisque t'as affaire à des mecs bourrés, j'ai quelques chiffres sur ce qu'on redoute de faire quand on est bourré. Ah, ok. J'ai peur. Alors. Attends, est-ce qu'il y a un truc que tu redoutes de faire quand t'es bourré? Mais écoute, je sais pas si tu te souviens vraiment de la soirée de dimanche là, mais la seule personne que j'ai attirée c'était une lesbienne. C'est-à-dire la meuf elle était à côté de moi et tout, et elle commence à me mettre son parfum et tout sur moi, mais après tu vois je rentre chez moi et je me fais mais putain je sens le mec. Mais tu te souviens pas? Elle s'appelle Tracy. Je te jure elle m'a rajouté sur Facebook et tout, je te montre après Mike. Tu te souviens pas? C'est vrai? Ah je te le jure sur la tête de ma mère c'est vrai. Mais non mais tu m'avais raconté ce truc là. Ah non, je te jure c'est dimanche là. Je te montre Tracy, bon, je l'embrasse, hein, elle est super gentille. Ah si, mais tu verras. Tu verras. Alors, attention. Coralie, il y a un truc que tu redoutes de faire quand t'es bourré? Alors, j'allais dire te tromper. C'est rassurant. Bon. Quoi, ça veut dire qu'une fois bu, tu te contrôles pas? Non, bah attends. Une fois que t'as bu. Tu m'as déjà vu saoul. Oui. Bah, oui. Est-ce que je me contrôle? Bah t'es morte en fait. Donc voilà. Non mais bon. Quelque chose que je redoute de faire quand je suis bourrée. Ouais, c'est de. Bon, si jamais je sortais pas avec toi, évidemment, c'est de me taper quelqu'un que je connais pas. D'accord. Oh bah ça va. Hein. Non, moi j'ai vraiment pas envie de faire ça. Bon. Attends, il se respecte pas du tout en mais fait. Mais si, hein, je me respecte, mais genre, y a, enfin pour moi, me dire se taper quelqu'un, c'est juste m'embrasser quoi, tu vois, c'est ah pas non, franchement non, coucher, moi, avec, pas hein. Pas coucher avec. Ah non, moi c'est embrasser, tu vois. Ah non. Bon. Laura, et toi, y a un truc que tu redoutes de faire bourré? Non, pas vraiment. D'accord. Enfin, okay. Attention, je prends toujours avec modération, donc voilà, moi, mettre la. Enfin, je trouve pas sous la table, quoi, donc. Très bien. 6% des personnes interrogées. Tu me laisses faire mon sondage. 6% des personnes interrogées redoutent de se battre à cause de l'alcool. Ah non, jamais ça. Moi, c'est pareil. Ah, toi, oui. Toi, oui. Ah! Non, mais non. Il le redoute pas, il a envie de se battre quand il est bourré. Voilà. Mais c'est vrai que. Si j'avais eu des couilles, ça aurait pesé dans la balance. C'est vrai. 11% ont peur de dire leurs 4 vérités aux gens qui kiffent. Ah, j'ai pas besoin d'être bourré moi pour ça. Excuse-moi, je veux dire, t'es qu'une grosse pute. Alors, on l'a tous connu un mec comme ça dans une soirée. 15% redoutent de se retrouver à moitié nu au milieu de la foule. J'ai pas peur, mais ça m'est déjà arrivé. Autant y aller à poil, on va pas se mentir. 16% redoutent de se réveiller, tiens, un peu comme toi, Coralie, au bras d'un inconnu. Ah ouais, ça, c'est vraiment un truc. Comment c'est possible? Mais bah, ça nous est tous arrivé. Bah non. Bah tous, t'ouvres les yeux, tu sais pas qui c'est, tu cherches la carte d'identité dans le sac, et là tu lis Jacques. Oh putain, putain, Jean-Jacques. 55% des gens flippent de se tromper d'orifice en faisant l'amour, en étant bourré. Voilà, c'est énorme, 55%. Ça t'est déjà arrivé, Laura? Non. Ah bon? J'espère que ce sera jamais le cas. Bon, attendez. Si, en plus, si je peux me permettre, on ne se trompe jamais d'orifice. On expérimente. C'est ça. Voilà, on teste. Et qui s'est déjà trompé qui a, voilà, dans l'équipe, je sais pas, qui s'est déjà trompé de destinataire, si j'ose dire, de réception. Je sais pas comment tourner ça. J'attends. Je sais pas comment répondre. Non, ok. Moi, une fois. Je me rappelle de sa réaction, assez violente. Hein. Non. Ah, elle n'avait pas du tout kiffé, elle n'était pas contente. Bon, Laura, quel est le conseil qu'on peut donner à Laura pour attirer plus de beaux mecs en boîte? Donc moi, mon conseil, c'est d'aller toi-même voir les mecs qui te plaisent. Mon conseil, c'est, ouais, ben, habille-toi, fais ta bonasse. Bah, je pense qu'elle s'habille déjà bonasse, Laura, quand tu sors en boîte. T'habilles bien et tout. Ouais, quand même. Je me prépare, quoi. Ouais, je ne vais pas sortir en training. Comme dirait un ami à moi, tu te mets sur ton 36. Jonathan, tu dis ça, c'est mon expression favorite. L'expression, c'est le 31, mais je sais pas, j'ai fait plus 5. Le conseil, j'ai pas vraiment de conseil. Essaye d'être indisponible. Les mecs, ils aiment bien ça. Genre quand tu les repousses et qu'après, tu vois, ils viennent d'eux-mêmes. Ouais. Mais parce que là, de base, ils viennent pas, justement, en fait. Mais si, de base, il faudrait viennent. Qu'ils viennent. Mais non, mais c'est les barakis qui viennent, donc t'en veux pas d'office. Bah, tu peux dire non, hein. Ah oui, elle dit non. Elle dit non, mais justement, elle colle. Ah oui, ok. Bon, bah, démerde-toi. Non mais voilà, va aborder les mecs qui te plaisent. Ouais, c'est ça. Ce sera plus simple, Laura, au moins. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ou bien, non, j'ai vraiment une bonne technique. Vas-y. Prends la copine la plus moche et grosse que tu as. Ça marche toujours. C'est vrai. Elle se cache derrière et ça fonctionne de dingue. D'accord. Hashtag tarma de ouf, quand même. Bon, Laura, je t'embrasse. Ok, ça marche. À bientôt. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Bisous, Laura. Nickel. À plus, bisous, Laura. Bisous, ma chérie. 02 851 4x0. Coralie, quelques messages sur le Facebook de l'émission. Oui, Mike Open fait. Space. Et on a un message de Sabrina qui nous dit: salut les loulous, merci pour votre dynamisme et pour le rayon de soleil que vous mettez à pas d'heure dans mon cœur. Oh. XXXX Sabrina d'Anderlecht. Et bah, Sabrina, je te fais des gros bisous plein sur la techa, ma chérie. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Okay. Et on a aussi un message de Dylan qui nous dit: j'aimerais jouer à un jeu, s'il vous plaît. Voici mon numéro. Ilan ? Oui. Eh ben, y a pas de souci, on va le rappeler. Et si vous voulez jouer aussi, vous aussi avec nous, eh bien, deux solutions, même trois, le Facebook. La première, c'est gratos. 02851 4x0, le prix d'un appel local pour le standard ou les SMS. Vous envoyez MIKE plus le jeu auquel vous voulez jouer. Balancez ça au 6322, c'est 2€ par message. Bonsoir, maître Kevin. Bonsoir, les amis. Comment ça va, mon frérot ? Oula, on l'entend bien du premier ouais, coup. Ouais, ça va, ça, ça va, ça va, super. Ah, parfait. Maître Kevin ? J'ai une question pour vous. Je vais laisser un ami à moi vous poser cette question. Who do you think have the best super the best fans in Euro? Oh, alors, putain. Who do you think? What do you think? Je vais expliquer le délire. Vas-y. Maître Kevin. Oui. Il fait des reportages télé, celui-ci, il me fait des infidélités. Non, je fais des reportages pour le site internet schizo.net. Ouais, ça va, fais ta promo, site... tu me casses les couilles avec cette promo là que tu fais depuis 2 semaines. Le site que j'ai monté avec des amis, d'ailleurs que je salue, William et Sofiane. Ouais. Et du coup, pendant l'Euro, on fait des reportages, on va voir les supporters, on va rigoler avec eux. Maître Kevin, par contre, tu satures un peu au niveau du micro, si tu peux baisser un peu de ton côté, parce qu'on est en train de regarder, c'est pas de nous que ça vienne. Donc si tu peux baisser un petit peu, je sais pas, j'ai l'impression que tu satures un petit peu. Voilà, on t'entend très très et fort. Et là, c'est bon. Ah, là, c'est mieux, vas-y. Ouais. On dirait que t'as mis auto-tune là en fait. Ouais, écoute, j'ai l'impression de me faire le dernier single de Johnny Hallyday là. Mais j'aurais plutôt dit Colonel Rayel moi. Bon, et Maître Kevin du coup qui fait des reportages tout ça sur. Ouais. Il va dans les fan zones et tout à Paris. Et le gars fait des interviews en anglais, mais c'est monumental. Écoutez l'anglais du gars quand même. On voit qu'on a été en classe ensemble. Who do you think? Who do you think? Who do you think have the best super the best fans in Euro? Bah surtout que ça veut rien dire. Who do you think? C'est what do you think, tu vois? Parce que who do you think c'est que pense-tu de qui ou je sais pas, tu vois? Non, c'est le mec a fait anglais plus 4 en Suède à mon. Alors en fait, je t'explique comment ça s'est passé parce que moi bon je sais parler anglais, je sais pas, je vois. Ouais, bien sûr. Mais le truc. Oui, ouais. Non mais voilà. Non mais en fait le truc c'est que j'étais tellement dans la vanne que que rien n'est préparé en fait. On va là-bas, c'est que c'est l'impro. Voilà. Moi j'écris pas, il y a pas de questions, on a vu des Irlandais, on s'est dit ah, des Irlandais, on va chanter avec eux et puis voilà. Ouais, bah ça va, on peut aller voir la vidéo. Ouais. On la met la vidéo d'ailleurs, on l'a mise tout à l'heure sur le Facebook Mike Open Space. Bon, Maître Kevin, on va jouer avec qui ce soir? Avec Amadou Diallo, le retour d'Amadou Diallo. Ah, le retour d'Amadou Diallo, très bien, le Matt Pokora camerounais. Qui sera avec nous tout à l'heure. Il est camerounais ou sénégalais, je sais jamais. Il est sénégalais. Parce que c'est Samuel Kamer qui est camerounais. Ah ouais, bah t'en fais, trop de personnages dans votre tête, Kevin. Chris Kab, Youssoupha, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Voici Balabing sur Fun Radio, bonne nuit. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon, you know that girl really turned me on. la place. Tefan est dans la place. Boma est dans la place. Miami est dans la place. Kinshasa est dans la place. Paris est dans la place. Et ça fait bim bada bing. Bim bada bing. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bon! Et ouais, on est là sur Fun Radio, 1h14 du matin. Merci de nous avoir choisi. Il y a Jonathan. Oui. Le talent, le plus beau, le plus impressionnant qui Merci. Est avec nous. Le plus beau. Ouais. Insiste quand même sur le plus beau. Bah oui, je te dis ça parce que t'étais vénère toujours de ne pas avoir été pas dans le classement de Coralie. En plus, j'aime bien parce que la semaine passée, t'as dit que j'étais le mec qui était le mieux habillé de la radio. Ouais, c'est vrai, tu t'habilles, Yambe. Ouais. Mais non, c'est Maître Kevin, je change d'avis. Bah ouais, mais qui il est le plus habillé. Ici, ah, Maître Kevin, il est soigné comme jamais. Hein. Il est sapé, le frérot. Hein. Ouais, mais il est que blanc. C'est gentil, je fais ce que je peux. Papa Sakila, comme on l'appelle dans, ouais. dans les rues de Paris. Mais les que blanc, ils ont les mêmes dessus, tu vois. Ah ouais, non, moi, je suis qu'un gringo, tu vois. Ah, c'est un tonton, le gars, attention. Hein. Papa Sakila, putain de merde. Il y a Coralie qui est là également, bon bah, qui est là. Et par contre, toi, niveau sap, non mais comment. Non, mais j'allais dire. Merci, tu vois. Non, mais j'allais commenter ton style vestimentaire, mais Coralie. T'as pris avec mon pull? Non, le pull est bien parce que j'aimerais bien avoir le même. Je suis jaloux. Elle a un pull Fun Radio vu qu'elle a été à l'événement Mon Incroyable École. Il est super stylé. Ouais, mais vu le long qu'il y a dessus. Ah ouais. Bah, il est dégueulasse son pull. Il y a une faute à C. Il y a un T à la fin. Et c'est écrit. Voilà. Non, c'était une blague de merde, excuse-moi. Ok. Allez, rebondis. Allez, c'est parti. Non, mais c'est on va parler foot. Coralie, ta tenue est dégueulasse aujourd'hui. Mais ta gueule, je porte une robe. Elle te met pas du tout en valeur. Mais c'est parce que j'ai un pull. Mais ce pull te met pas du tout en valeur. Mais en même temps, mec, il fait froid. Et voilà, tu fais plus d'efforts pour moi. Au bout d'un moment, c'est la routine, Coralie. On va pas se mentir. Bon, il y a Martin Solveig. Hein ? J'ai mis de la belle lingerie. Que, Jonathan, tu voulais faire Jonathan Open Space ? Non, je veux vomir là par contre. Eh bah, vas-y, do it right. Martin Solveig, c'est ce qui arrive dans 5 minutes sur Fun Radio. Ça me fait penser que j'ai vu Bob Sinclair tout à l'heure. Ah oui, bah nous aussi, on l'a vu à TPMP hier, hein, monsieur. Ouais. Non, c'était hier, président tout à l'heure, c'était hier. J'ai vu Rof aujourd'hui. Ah ouais ? On a eu Rof, nous, dans mon emprunt à l'école. Enfin, Vince l'a eu. Ah, bien. Parce que, essaye pas de t'inclure, en fait. Ah, si, je m'inclus. Il était juste en face de moi. Il me souriait. Ah ouais? Ah oui. T'as tapé dans l'œil de Rof? Je suis sûr qu'il a un gros zizi. Est-ce que t'as testé la puissance? Il a tapé dans sa dent. T'as dit quoi, maître? T'as testé la puissance? Non, malheureusement. J'ai dit non, tu l'as tapé dans sa dent. D'accord. Bon. Faut que tu l'as regardé. Mais je sais pourquoi il t'a kiffé. Pourquoi? Parce que t'es une star fuckeuse. Tout comme dans fait. Son titre. Voilà, voilà. Ça va décoller à un moment donné. Oui, je crois. On va parler football. Attention, ah. Parce que ça a bougé dans le classement de l'Euro. Oui. Du loto foot de l'Euro. Bah, ça a bougé. Hier, Maître Kevin et Zezel étaient premiers. J'étais deuxième. Et Jonathan Coralie terminait ce classement en bon dernier. Ouais, bon, pas de surprise, Coralie est toujours dernière. Alors, victoire des Turcs aujourd'hui. Bravo les Turcs. Victoire des Turcs. Yep. Victoire des Croates. On bravo, pas vu putain, venir. Grosse surprise de la Croatie. Personne n'a eu bon là sur ah, ce match-là. L'Espagne s'est fait ratatiner, j'ai pas compris. Non, mais ils étaient déjà qualifiés, les Espagnols. Donc, bah, ils ont marqué la 7ème minute et après pendant 83 minutes. Ah, ils sont laissés ils aller. Voilà. Non, mais là, ils ont joué en claquette, putain, les enculés. Ça, c'est pas possible. T'as un penalty, tu le fais tirer par ton défenseur. Sans déconner, même moi sur Football Manager, je fais pas cette erreur. C'est pas ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas acceptable. Exactement. Maître Désolé. Kevin. Oui. I'm gonna ask you something for you. Do you? Enfin, which team fin. Have the best fans? Je kiffe le mec. Do you? Enfin, ouais. which team? Which team is the best? Si vous passez des examens des oraux d'anglais bientôt, pourquoi pas? Écoutez bien la leçon de Maître Kevin. I'm gonna ask you something for you. Do you? Enfin, which team have the best fans? I got something for you. Do you? Enfin, which team is going to have the best fans? Alors, en fait, c'est Nelson Montfort, le gars, maintenant. Hein, et on l'arrête plus, maître Kevin. Oui. Bien sûr, je suis en direct de la plage, en direct de la Bamos à la Playa. Ils vont à l'entraînement. Ah oui, ça c'est très très bon. C'est plus drôle quand tu fais des fautes d'anglais, frérot, en fait. Mais fais carrière dedans, peut-être. Non, mais tu sais que, sans déconner, au début, je voulais poser une autre question. Après, je me suis dit non, ça va être de la merde. Donc après, j'ai basculé. Non. Il s'est pas dit ça. Bim, bam, il boum. S'est dit ça, je sais pas le dire en anglais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça il s'est dit la vérité, frérot. La vérité. Franchement, non. Au début, je voulais dire Do you think you're better than Northern Ireland fans? Après, j'ai dit non, ça c'est de la merde. Il veut dire évidemment. Parce que forcément, il va dire oui. Est-ce que vous cuisinez bien les mojitos? Exactement. Et après, j'ai dit ouais, non, pour vous, quels sont les meilleurs supporters de l'Euro? Et après, il m'a dit bah évidemment l'Angleterre. Ouais, voilà. Tout ça pour ça, en fait. Voilà, voilà. Voilà. Alors qu'on sait bien okay. Qui c'est les plus forts évidemment. Les Belges. C'est les Verts. Bah merci. C'est qui les Verts? Kevin. D'ailleurs c'est une grosse faute de français ça. Pourquoi? Parce qu'on dit ce sont les Verts. Parce que c'est les Verts ça se dit pas. Oui non mais bon. C'est des footballeurs hein. Ouais. Je rappelle que ouais, Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais pas en intelligence, et ça commence à se voir, comme je dis souvent dans cette émission. 1h18 du matin. L'autofoot, on se le fait tout de suite, donc le classement, oui, s'il te plaît, puisqu'on en était là quand même. On en était là quand même. Alors Coralie a marqué 2 points hier, donc elle est toujours dernière avec 13 points. Ensuite, en 3ème position, il y a une égalité. Ah merde. You and me forever. Ça veut dire toi et moi pour toujours. Ouais. En 3ème position, ouais, voilà, on a 14 points. En 2ème, eh ben c'est Maître Kevin qui repasse en 2ème. Ah frérot. Avec 19 points. Alors, attends, mais j'ai marqué avec la Croatie. Oui, t'as marqué 2 points. Pourquoi il avait dit la Croatie? Ouais, j'ai mis... Non, pas la Croatie, la Turquie, pardon, j'avais dit Turquie 1-0, non? Mais n'importe quoi, t'avais dit boum boum, t'avais dit 1-0 pour la République tchèque. Sans déconner. C'est ce qui me semble aussi, Maître Kevin. C'est ce qui me semble aussi. Personne n'avait dit la Turquie. Ah, personne n'avait vu venir la Turquie. Ouais, pourtant c'était prévisible après la claque qu'ils ont pris contre les Espagnols. Par contre, je pense avoir bon à un score, genre avoir le bon score. C'est pas Pologne, je sais plus quoi, j'avais dit 1-0. Pologne, t'avais dit 2-0, j'avais dit 1-0 par contre. Et Zezel, ah voilà, donc c'est l'inverse, donc j'ai fait l'inverse. Ouais. 1-0 voilà. Pour le. Voilà, voilà, mais bravo les Turcs et bravo les Polonais aussi, hein, qui ont bien joué ce soir. Voilà, et donc Zezel est numéro 1 avec 20 points. Je sais. Mais je suis à combien, suis 19, c'est ça? 19, ouais, t'es juste derrière. Ah, c'est encore jouable. Ah, okay. Par contre, nous, le derrière, on est à 14 points, c'est ça, Jonathan? Avec 14 et 13. Et Coralie 13, que... donc là, il va falloir speeder. Hein. Oui. Donc déjà, faut pas se louper sur les matchs de demain. Il y en a 4 de nouveau. Il y a 2 matchs à 18h et 2 matchs à 21h. Donc il y a l'Islande-Autriche. Ah putain. Mais tu sais quoi, à partir de demain, je pense qu'à partir de demain, vous allez tous m'envoyer les résultats et vos pronostics avant. Parce que là, il y a trop de triche, vous copiez trop sur mes résultats. Ah non, moi je les note avant. C'est pour ça que vous êtes devant. Et je les note avant, mais ça se voit aussi dans les résultats que je les note avant. Alors vas-y, rappelle-moi le match. Alors le match Islande-Autriche. Zezel. Autriche. 1-0. Autriche. Maître Kevin. Match nul à partout. Oh, Autriche-Islande, c'est quoi ce match de merde? Quand on va se faire chier. Je dirais Autriche 1-0. Moi, Autriche, on dédicace à Sissi, 1-0. Ok, ouais, je dis pareil, 1-0 pour Autriche. Oh là là. Deuxième match, c'est l'Hongrie contre Portugal. La Hongrie, il fait toujours la faute. Mais l'Hongrie, putain. Non. La Hongrie. Bah, à chaque fois, on te le répète. Hein. Ce sera Cristiano Ronaldo contre le reste de l'Hongrie. Et attends, la Hongrie est qualifiée contre ou pas? Contre Dujak. Non, justement. Il faut que les Portugais gagnent absolument pour pouvoir se qualifier. Mais non, mais les Portugais non plus. Donc là, c'est la finale du groupe. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Zezel, évidemment, la Hongrie. La Hongrie. Combien? Je mets même 2-0. Ah ouais, avantageux. T'es malade ou quoi? Il est ambitieux. T'es assez graveleux, toi, ce soir. Attention. Coralie. C'est contre qui? Portugal. Portugal. Je mets 2-1 pour le Portugal. 2-1 pour le Portugal. Mike. 3-2 pour le Portugal. Pas mal. Désolé, Zezel. Bande de traîtres. Non, mais désolé, mais bon, là, mais faut être réaliste. 3-2, ce serait vraiment un super beau match. Je crois que ça va être un beau match. Je crois que ça va être un beau match. C'est une finale. Les Hongrois, ils sont chauds. Les Portugais aussi. Maître Kevin. Je sais qu'ils ont changé d'aspirateur il y a pas longtemps, donc je peux te dire que là, c'est la folie, c'est les Portugais. Moi, ça me fait chier parce que Grand Budapest, c'est un de mes films préférés. Donc, je suis un petit peu tiraillé. C'est Grand Budapest Hotel, d'ailleurs. Oui, non, mais me fais pas chier. Non, je vais mettre le Portugal 2-1. Portugal. Mais je dis pareil que Maître Kevin et Cristiano Ronaldo, c'est lui qui va mettre les deux. Ah là, c'est Portugal. Ah ouais, s'il marque pas là son ballon d'or, et je te fous dans le cul. Hein, ouais. Bon. Quoique il aime bien se mettre des trucs dans le cul, mais au moins le ballon d'or, il l'aura dans le cul. Apparemment, ouais, de ce qu'il dit. Ah ouais, c'est vrai. Chacun fait ce qu'il veut. Il a voilé à vapeur. Bah, je sais pas, ça t'intéresse. Bah non, mais c'est bien pour la culture générale. Alors, match Italie-République d'Irlande. De sortir pendant les dîners. Tu sais que Cristiano, il a voilé à vapeur. Allez, enchaîne. Italie-République d'Irlande pour le match du groupe E. Mike. Irlande, pas qualifié, hein, Maître Kevin. En fait, tout le monde peut se qualifier dans ce groupe-là. Ah ouais, c'est ça, ouais. Je vais dire l'Italie 1-0. 1-0 pour l'Italie, oui. Zel. La squadra. 2-1. 2-1. Ouais, ils vont pas prendre de but, ils vont pas prendre de but. Si. Je sais pas. Coralie. 2-0 Italie. 2-0 Italie. Maître Kevin. Oh putain de merde. Italie 1-0. Italie 1-0. Ah, il est comme moi, Maître Kevin. Tu vois, je lui dis qu'il y a eu copiage dans l'air. Eh ben moi, je vais contrer, je vais dire 1-1. Un partout. Un partout, ouais. D'accord, très bien. Alors, Il faut absolument que la Belgique gagne aussi. Hein, voilà. Prochain match. Alors, c'est peut-être le dernier match de Zlatan d'ailleurs demain contre la Belgique. Mmh. Bon, c'est le dernier match. C'est de son Zlatan, dernier match. Ouais. S'il gagne, non, bon, on s'en fout. On s'en tape. Donc, Suède, Belgique, Mike. Belgique. Allez, 2-1 avec un but de Zlatan comme ça. Ce serait pas mal, en effet. Zel. Je réfléchis. Match nul. 2-2. Maître Kevin. Belgique 2-0 avec un doublé de Benteke. Ah ouais. Belgique 2-0 aussi. Okay. Et les buts? J'en sais rien, les gars. Bonne Teke. Non, je change. Zidane. Attends, Maître Kevin veut changer. Ouais, Maître Kevin. Non, je change les buteurs. J'ai décidé, j'ai eu un flash. On s'en fout. Eden Hazard et De Bruyne. Non, mais ok, on en a rien à foutre. De Bruyne, c'est très bien. De Bruyne, c'est mort pour De Bruyne. Et moi, je dis 2-1 avec aussi un but de Zlatan. C'est son spécialiste foot. Et je fais pas mon spécialiste, mais c'est vrai que pendant l'Euro, je kiffe. Ok. Et par contre, si. Moi, j'exige un point si c'est vraiment le vrai score avec les buteurs. Donc, c'est-à-dire De Bruyne et. T'as dit Benteken. Et Hazard. Mais Benteken ne jouera pas. Non, mais Hazard et De Bruyne. Ouais. Eh ben très bien. Eh ben merci. Résultat du Loto Foot, de l'Eurofoot demain dans l'émission évidemment entre 23h et 2h, et je vais laisser ce mot de la fin à Maître Kevin. I'm gonna ask you something for you. Which team have the best fans? Je peux dire, hey, frérot, ça m'a fait l'après-midi, sans déconner. Ah ouais, t'étais. Non mais le reportage est super bien, mais ton anglais, frérot, j'ai passé l'après-midi. Non mais tu dis ça, mais après. Ouais. Plus loin dans l'interview, je maîtrise de ouf. Là, on sent la malhonnêteté du gars. Le gars veut être chafouin, hein, mais y a pas de souci. Moi, il prend vraiment mauvais, il est vexé là. Hein, je connais. Non, mais je m'en fous complet. Non mais ça. En plus, il a fait ça avec un pote à moi. Et. Oui. Que vous connaissez, puisqu'il est venu dans vos studios. Ouais, c'est Coralie qui le connaît mieux que nous, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Ah, c'est Ahmed. Ouais, c'est non. Ça. Longue histoire avec lui. Je lui en veux encore, au frérot. Enfin, bon, c'est pas grave. Ahmed. Mais il paraît que l'hôtel était bien. Voilà. Ah, il était magnifique, la vue était géniale. Non, mais sans déconner, toi. Mais c'est pas possible. Non, mais là. On était en pause, Mike. Putain. On a rien à foutre. Allez, 1h25 du matin, on va jouer avec Maître Kevin dans quelques instants. Et Martin Solveig, c'est ce qu'on écoute tout de suite dans l'Open Space. Voici Do It Right. Merci de nous avoir choisi, tout le monde. Jusqu'à 2h. Un mot, trois syllabes qu'on défend ensemble. Libertad. Cette émission avant la fin de la saison. Direct sur Fun Radio, 02-851-4x0. C'est Boosty qui arrive pour la suite du son. On va se faire Feel Alone. Dans 3 minutes, Armin van Buuren aussi, ça m'a été demandé là sur l'SMS 3044. Un petit Drake, One Dance, là, juste avant 2h du matin. Mokobé, le nouveau, on va se faire J'ai trop dansé. Julian Peretta aussi à Cry. Bref, un gros gros programme. On va kiffer avec le son Dancefloor comme d'hab sur Fun Radio. 1h29 du matin, bien en direct avec Maître Kevin qui est là aussi depuis Paris comme chaque soir. Et Steven, dans le standard, 20 ans, Ghostly. Bonsoir Steven. Hello Steven. Salut. Bien ou quoi? Bien, bien. Bah ouais, tranquille, Steven. Et demain, les Diables Rouges, hein. Eh, allez, les Diables, demain, contre la Suède. J'étais voir le match samedi. 3-0. Ton ils sont très balèzes. 3-0, vas-y, dis-moi les buteurs. Lukaku. Ouais, ça passe. Lukaku, il a fait 2 buts. Ah non, mais il parle du match. Et l'autre, en fait. Il est occupé de Witzel. Witzel, c'est Witzel qui a marqué, hein. Witzel. Ouais, oui, mais... c'est Witzel, oui. Ok, bah écoute, on verra demain. On verra. C'est à quelle heure le match? 21h? 21, c'est ça, ouais. Et bah demain, là, on se retrouvera juste après, là, dès 23h, et on pourra débriefer un petit peu tout ça avec, avec Maître Kiné, avec tout le monde. Bon, Steven, frérot, on va jouer justement, et on va jouer avec Amadou Diallo, le Mat Pokora camerounais, que j'accueille. Bonsoir, Amadou. Sénégalais, d'ailleurs. Ouais, il y a vraiment les problèmes avec les géographies. Comment ça va tout le monde, les fans radio? Bah ça va bien, ça va. Vous, Amadou, ça fait longtemps que vous avez pas entendu dans l'émission, hein. Oui, je n'avais pas vraiment les visas. C'est parce que vraiment, à la frontière, on m'a dit non, tu n'as pas le droit de rentrer. J'ai dit pourquoi? On m'a dit maintenant, tu n'as pas le droit. Donc, j'ai lâché l'affaire. Donc, j'ai vraiment, je suis retourné dans mon Sénégal. Mais là, je suis revenu par la grâce de Dieu. Alhamdoulilah. Bah, alhamdoulilah, vous êtes là avec nous, Amadou Diallo. Et vous allez offrir en plus du cadeau à Steven. Oui, si Steven. Vraiment il est fort. S'il n'est pas fort, il n'aura rien. Alors, mon Steven. Ouais. Écoute bien les règles du jeu. C'est Amadou Diallo qui va te les rappeler. C'est très simple, je suis donc le chanteur du Sénégal. Je vais donc chanter les chansons de Dancefloor de Fun Radio, hein. Donc il va falloir le retrouver, soit le titre ou l'artiste qui a fait les chansons. Okay. Compris? C'est très simple. Alors, allons-y, Amadou Diallo, son numéro 1. Essayez de trouver aussi chez vous à la maison, vous balancez la bonne réponse au 30-44. Et en fait, Steven, Amadou, c'est le Mat Pokora sénégalais. C'est-à-dire qu'en fait, il interprète les chansons qui passent sur Fun Radio pour la partie Quinfri et pour la partie sénégalaise. On y va, let's go. Ouais, je porte les G-Star, c'est ce monde de face. Non, c'est pas les bonnes chansons, pardon, le faux départ. Faux départ, attention, faux départ. Captain Chocolate, faux départ. C'est mais Captain sans faux déconner. Je me rappelle plus. Ouais, je vais juste faire la première phrase. Je porte Abercrombie. Je porte Abercrombie. Ah, il y a du texte, hein. Ouais. Voilà. Alors, Steven. Oh, c'est pas évident. Oh. Ouais, sur deux notes comme ça. Normalement, si les mélomanes ils doivent retrouver la chanson. Ceci. Non, mais c'est ça compliqué. Fait le Führer, ça. C'était Maître Gims, le zombie, là. Je l'ai même pas en machine, cette connerie. Ah, t'as pas zombie ah, pourtant, on l'a joué, il me semble. Bah oui, on l'a joué. Ah non, je l'ai pas. Bon. Ah, je l'ai pas, Maître Gims, zombie. Bon, alors, ça, attention. C'est le mystère de l'Est. Ouais, c'est ça. Il reste deux musiques. Il faut absolument que tu les trouves. Steven, concentre-toi. Amadou Diallo, son numéro 2. Les motelets, avec les effets spéciaux. Alors, tu l'as, Steven? On est au fin fond du texte. On est au top de la production là. Ah, grave. C'est le Avicii français, Helmut Fritz. T'es gentil quand même. Apparemment, avant, il était allemand. Geronimo. On est des possédés. T'as dit un truc là, Steven? Non, toujours j'ai pas. J'ai dit, c'était français. Ah bah ouais, mais non, bah, il fallait me donner une réponse. On n'a pas la soirée non plus, mon Steven. Geronimo, c'était possédé. Bon, allez, tu sais quoi, Steven, je te laisse la possibilité de te rattraper sur le dernier son. Que va nous interpréter tout de suite Amadou Diallo? Yamariama, elle a fait le foutou. Elle a fait le foutou avec la viande et la malasa, c'est bien cuit. Malala, c'est Mandela, on n'a pas fait la même coutou. Yamariama, elle a fait le foutou. Tu l'as trouvé? Yamariama, elle a fait le foutou. Ouais, je l'ai trouvé, ouais. Allez, donne le prénom. C'est Bob. Steven. Bob Deschamps. Bob Deschamps, frérot. Là, on est au top. Bob Deschamps, frérot, tu connais pas un Bob connu? Je sais pas, t'aurais pu dire au moins Bob Marley ou Bob Sinclair. Bah oui, Bob Marley, j'avais en tête. Eh ben, bah, c'était pas Jean-Clair. C'est pas lui. Ah là là. Je suis sûr que même si Maître Kevin lui avait donné la réponse dans le texte, il aurait pas trouvé quand même. Ah ouais. On est où? Attends un peu sur Maître, je kiffe. Ah. Donne-moi des tacos au petit déj. J'aime beaucoup. Bon, merci beaucoup Amadou Diallo pour ce petit instant musical. Mais vraiment de rien du tout. Et je vais revenir avec un nouvel album. Mais là, pour l'instant, il est encore dans la préparation. Ah, est-ce que vous avez le nom peut-être à nous donner en totale exclusivité ce soir sur Fun? Mettez pas là, ouais. Mettez pas c'est où, ouais. Y'a le foutu, ouais. D'accord, mais c'est une reprise. Oui, c'est la reprise, la remasterisation de la chanson de le monsieur qui s'appelle Vinet. Ah, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là, c'est ça? Mais t'es pas voilà, là. Mais t'es pas là, oui. T'es pas là, oui. Mais t'es où, oui? Fais-moi un extrait. Mais t'es pas là, oui. Mais t'es où? Oui, mais t'es pas là, oui. Mais l'était où? Oui, mais l'était là, oui. Mais t'es pas où? Oui, mais t'es pas où? Oui, oui, oui. Ok, voilà. Merci, Madou. De rien. A plus tard. Salut Madou et big up au Sénégal. Steven, mon pote, désolé, hein, pas de cadeau pour toi Steven, 0 points sur 3. Bon, je te repasse Coralie frérot, à bientôt, bonne nuit. T'inquiète. A bientôt demain, Steven. Demain, si les Belges gagnent, allez, je vais aller mon klaxon à la radio. Allez, avec plaisir frérot. Il va klaxonner, il va faire chier tout le monde demain, ouais, 3h du mat. Voilà Steven, allez les diables demain. Salut mon pote, je te repasse Coralie. Ouais. Voici Boosty sur Fun Radio, c'est Phil Alone dans l'Open Space. Je suis à pleurer dans un coin de mon appartement. Je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool. Je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé. Je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire. Je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Hein, franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Hein, non, j'ai pas une vie droit. Mais pourtant, mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone. Jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. this is what it feels like. Now, this is what it feels like. En direct sur Fun Radio, 1h41 du matin, on reprend Yves Uniconu. Merci de nous avoir choisi avec vous tous et vous tous en Qu'est-ce direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, mais rien. Non, j'en sais rien. Coralie qui décroche ce soir. Et Coco qui est bien connecté aussi sur les réseaux sociaux de l'émission, notamment sur la page Facebook Mike Open Space. Je vous invite à venir nous rejoindre. Communauté, grande famille de l'Open Space qui s'agrandit de jour en jour, ça fait plaisir. On espère que c'est pas prêt de s'arrêter. Tout à fait, on a un message on a eu plusieurs messages en fait de Bastien qui nous a teasé tout l'autofoot. Il nous a demandé quand on le faisait, dès qu'on l'a fait, il a parié sur tous les matchs. Ah ouais? Ouais, sur tous les matchs. Il a vous pouvez parier scores, aussi, hein, vous pouvez lâcher vos paris hein, sur le Facebook et les meilleurs, on leur offrira des cadeaux. Là, il nous reste plein de monde connecté qu'on n'a pas offert dans le Cipabien parce que le Cipabien il calait une monde connectée par semaine, sauf qu'on en faisait tomber une par mois. Enfin bon, ouais, voilà. C'est le jeu le plus dur du monde. Ouais, donc il reste des mondes connectés, donc on va vous enfiler là, jusqu'à la fin de la saison. Ouais, voilà, il a aussi participé au jeu de Maître Kevin, il a demandé qu'on mette la chanson de l'Euro aussi par la suite. Oui, pourquoi pas. Et sinon, là, c'est pas un message que je vais dire sur la page Facebook, c'est un appel qu'on a reçu de Gino qui est aux États-Unis, qui nous a appelé des États-Unis et qui nous écoute. Et comment il fait? Big up Gino, il nous écoute sur internet ou sur les applications et en radio. J'entendais, il m'a appelé, j'ai vu son petit numéro américain et tout. Et c'est vrai? Ouais. Il est où aux États-Unis? Ah, je lui ai pas demandé par contre. Mais il est en vacances ou il habite là-bas? Il est en vacances. Ah, d'accord. Il est c'est en cool. vacances et j'entendais à l'arrière, je vous entendais parler en fait. Voilà. Bah ça déchire. Bah on l'embrasse. Gino, mais sors un petit peu frérot, profite des États-Unis. Bah, attends, c'est cool là-bas. Moi aussi je t'appelais quand j'étais à Miami. Oui, mais toi c'est pas pareil, tu voulais un contrat. Bah je l'ai eu. C'était vénal. oui, enfin tu l'as eu, voilà. On va reparler de septembre d'ailleurs. On se voit après? On se voit demain matin. On c'est se déjà voit, pas mal. On se voit after. Faut qu'on parle business. Okay. D'accord. Et voilà. T'as des plans de secours ou c'est comment? Bah disons que le plan de secours c'est le NEM. Donc je suis un peu dans la merde de ce point de vue là, tu vois. Bah va prendre un ticket parce que je sais qu'il y a du monde. Ça t'évitera de poser de perdre 2-3 jours là. Bon. Allez, Maître Kevin. Oui. Il reste un peu avec nous lui au fait ou pas ou il se casse? Non, je peux rester. Ah, hein, bah très bien. Parce que je lui pose plus trop la question. Oh, tu voulais qu'il nous note? C'est quoi ce 1 intéressé? Mais non, moi je dois vous noter. Il m'avait dit oui, Mike. Mais oui, mais écoute. Je peux noter. Oui, bon, ça va. On a 5 minutes parce que Coralie a oublié d'appeler la prochaine personne, on va pas se mentir. Donc on a 2 minutes. Oui. C'est vrai que Coralie tout à l'heure a refait son classement des 10 plus beaux mecs à Fun Radio. Bon, pas un malencontreux hasard, je pense qu'elle a un problème de vue, mais je suis premier. Et Jonathan n'est pas dans le classement. Mais c'est ça, donc elle a vraiment un gros problème de vue. Ça va. Bon. Donc moi je dois faire. Bon bah fais ton. Non, fais pas ton classement. Je veux dire quoi? Des notes sur vous? Ouais, vas-y. Bah je vais commencer par Coralie. Tiens, Coralie, je la note 8. Sur combien? Sur 20. Tu viens d'oublier un auditeur. Mais en fait, on non, est en plein direct, en fait, il est 1h43. Il faut quand même préciser que j'étais partie en haut pour aller chercher un truc dans mes affaires. Non, et que... non. T'étais partie en bas pour fumer une clope, je t'ai vu. Non, mais quand j'ai voulu appeler l'auditeur en revenant, j'ai vu qu'il y avait le bed. Du d'accord. coup, j'ai couru, j'ai dit Mike et tout, il y a le bed. Et ça m'a complètement sorti de la tête. Excuse d'accord. de merde, je repasse à 5 sur 20. Toi, Mike, on doit parler pour mon contrat l'année prochaine, c'est ça? Mm-hmm. 20 sur 20. Zezel. C'est pas drôle. Hein. Non, je sais. Ouais. Bon, bah déjà, avec une vanne comme ça, tu perds des points. Zezel, t'as besoin d'un contrat en septembre, frérot? Oui. Ouais, je pense qu'il y a une place qui vient de se libérer. Oh putain, c'est bon. Donc déjà, je suis pas dans le classement des plus beaux mecs de la radio. Alors ensuite, je me fais virer comme ça en direct. Ouais, bah de toute façon, je vire tout le monde en direct. C'est bien cool. C'est pas faux. C'est bien cool. On se rappelle des personnes. Cœur sur toi. Ok, pas très bien. C'est tout ce que t'as à dire parce que là, tu me fous du rythme à l'émission. Hein. Bah non, mais rien. Je dis juste Zezel, c'est le meilleur. Mais au-dessus de toi, il a 21 sur 20. Mais c'est le meilleur, lui. Ah bon, bah très bien. Bon bah. Sur 20 quoi? Tu me mets vraiment 8 sur 20? Oh. Non, parce que tu te souviens de ce non, que mais t'inquiète pas, il est viré. de toute façon. Ah, ça vient d'être décrété. Je peux récupérer la moitié de son salaire quand même. Désolé Zézal, mais je peux récupérer la moitié de son salaire. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Ah, ça va être vite fait. On va pas se mentir, ça va être vite fait. Voilà, tu passerai ma fiche de paie. Bon. Et ça prend effet immédiatement, tu peux prendre tes affaires et partir. 1h45 du matin, Drake. Bisous les auditeurs, je vous kiffe. Qui arrive dans quelques instants sur Fun Radio. Et Nisrine qui est avec nous. Qu'est-ce que tu fais là toi? Salut. Me chauffe pas trop. 20 ans à BX. Me chauffe pas trop. Genre, ouais, je suis là. Pas trop. Genre, hey, je suis un bonhomme moi. Genre, je suis un bonhomme, Mike. Genre, un bonhomme. Je ne retiens je personne. Je m'embrouille devant toute la Belgique ici. Hein. Je suis un putain de bonhomme, mec. Vas-y. Non, non, ça va, j'ai pas de couilles en fait. J'ai voulu les poser sur la table et je les ai reprises. Je crois que j'ai des plus grands dossiers que toi à sortir sur la. Sur mes couilles? Ouais. Bah non, sur toi, enfin sur toi. Ah, parce que j'allais dire, si tu connais plus mes couilles que moi, il y a un problème quand même. Nisrine. Oui, salut. Bon, excuse-nous, l'autre il part en couille totalement. Pas de soucis, pas de soucis. Nisrine, ma chérie, et on va jouer ensemble? Ouais. On va faire tourner la roue des jeux, Nisrine. Ouais. On va voir à quelle sauce tu vas être mangé, roue des jeux qui tourne, pardon, et tu dis stop quand tu veux. Pour repartir avec du cadeau Fun Radio, je t'écoute. Stop. Ça va Nisrine sinon ta vie en ce moment? Moi ça va. T'as l'air tout déprimé Nisrine. C'est le temps. Non, tu fais quoi dans la vie comme métier Nisrine? T'es aux études? Non, j'étudie et je travaille à l'aéroport de Zaventem. D'accord, aéroport de Zaventem. Ah mais d'où le fait. Ah ta gueule. Alors, et la roue des jeux qui s'est arrêtée sur le chantophone. Ça va, ça fait des mois, on peut vanner un non, peu non, là-dessus. Non, on peut pas. Ah, tu rigoles quoi. Non, on peut pas. Chantophone, Nisrine. Alors, tu choisis 5 sons de ton répertoire, ma chérie. D'accord. Et tu vas devoir nous en faire deviner minimum 3 sur 5 pour repartir avec du cadeau Fun Radio. Ok, ça va. C'est compris. Vous essayez de trouver chez vous à la maison, vous balancez la bonne réponse au 3044. Si vous trouvez avant nous, il y a du cadeau. Vous donnez votre prénom dans l'équipe pour répondre, c'est parti. Êtes-vous prêt à chanter et laisser les animateurs de l'Open Space sans voix? C'est le chantophone sur Fun Radio. Attention Nisrine, son numéro 1, l'équipe de l'Open Space t'écoute. Alors je commence. Jonathan. Mais elle chante bien. Attends. C'est quoi? C'est Mylène Farmer. Mylène Farmer. Non. Non, mais, non. Mais si, sa voix maintenant. Non, moi je l'ai, je l'ai. Moi je l'ai. Maître Kevin. Maître Kevin. Unbreak My Heart. Ah oui. Tony Braxton. Tony Braxton, ouais. Ouais. Merde. C'est ça. Voilà, il a quand même confondu Braxton et Mylène Farmer. Mais non, mais c'est juste parce que sa voix me donne envie de me pendre, tu vois. Donc c'est. Voilà, d'où le complexe. D'accord. Alors, Nisrine, attention, son numéro 2. Ok. Moi, je t'offrirai. Zazel. Tu connais ça, toi? Bah ouais, c'est Jacques Brel. Jacques Brel. Mais t'es né en quelle année? Mais c'est Jacques Brel. Mais j'ai grandi là-dessus. Hein. T'as grandi avec Jacques Brel? Bah ouais, j'ai grandi. Ma mère l'écoutait. T'as 60 ans? Mais non. Écoutez la voix. Où l'amour sera loin. Ah, j'aime bien. Où tu seras reine. Voilà. Ça c'est beau les loups. C'est beau les loups. Nisrine tapait deux. Postation de carouage, Morey. Attention, Nisrine. Nisrine. C'était Jacques Brel, c'est ça comme Zézel l'a dit. Ouais. Ok, parfait. Son numéro 3. T'as du moderne un petit peu, non? Un truc qui donne pas envie de se suicider. Pas direct en tout cas. J'ai que des trucs qui donnent envie de se suicider. Allez, vas-y. Tant pis, on y va. Vas-y. C'est vraiment le jour. Okay. Hein. Prochain c'est Ziggy, on y va. Moi, je suis sur le trou. Mike, Adèle. Mais non. You want my love and soul right on the line. C'est chaud, 3044 si vous avez la bonne réponse. I had no time that I could serve you. C'est en anglais. Ouais. The only trouble is Beyoncé. Maria Carré. C'est pas Beyoncé. Maria Carré. Non, c'est pas Maria Carré. Attends, refais. 30-44, on ne trouve pas là, les amis, aidez-nous. Nolwenn Leroy. Non. Céline Dion, on nous dit. Mais non. Si c'était Céline Dion, je le saurais. Putain, c'est la meuf là. C'est pas la meuf des TLC là? De quoi? Des TLC. La meuf des TLC, c'est pas elle? Non, je crois pas. Non. Bon. Tu connais Jacques Brel, tu connais pas TLC quand même? Non. Bah, heureusement qu'elle connaît Jacques Brel. Enfin, Jacques Brel est quand même plus connu que TLC. Non, mais je crois que je connais deux mots aux paroles de Jacques Brel. Voilà. Non, c'est pas ça. Alors, Nisrine. C'est pas Jacques Brel, ça. Putain, vas-y, Nisrine, continue à chanter. On continue sur le trou de chercher. Ah, ok, ok. Zezel, tu sais ? Vas-y, Zezel. Oh, attends, je suis chanté parce que. Whitney Houston, on nous dit. Non, c'est pas Whitney. Ah oui, c'est bon, c'est je l'ai, c'est ça. Zezel, Zezel. Ah, c'est Jennifer Hudson. Ouais, c'est elle. Ah merde, j'allais dire Sam Smith. Je suis loin. Jennifer Aniston, d'accord, One très bien. Only. Alors attention, son numéro. Ouais, putain. Son numéro 4. Oh, sinon, tu peux chanter un peu moins bien, tu sais, on n'est pas le jury. Hein, non, non, mais elle a raison, elle chante bien. Ah oui, contrairement à Coralie qui pense qu'elle chante bien. Vas-y. Allez. Nisrine, on y va, s'il te plaît, son numéro 4. Ok. Quand les jours me réveille et qu'il m'offre encore Morane. Les plus beaux éclats. Vita. Amel Bent. Je l'ai dit avant. Non, c'est pas vrai. Je l'ai dit avant. J'ai lu sur ses lèvres avant. Sur les lèvres de ses ailes avant. Non, en plus, Amel et moi, c'est une grande histoire d'amour. Vous savez que je suis en train de parler avec elle en ce moment sur Snapchat. Tout ah ouais ta gueule. Ouais. Elle me cale une petite maison sur la Lune vu que j'ai plus de travail bientôt. Donc, je vais passer la soirée avec elle. Je peux te louer Apollo 12 si tu veux. Hein ? Je peux te louer Apollo 12 si tu veux. Ah ouais, 12 pas mal aussi, merci. Alors attention, son numéro 5, le dernier là pour le kiff. Qu'on n'a pas fini ? Non, non, il reste un son. Oh là là, t'as You were my strength. Céline Dion. Oui, c'est ça. Ouais. Si, Céline Dion. Ouais, ouais. C'est ça. Et Jonathan qui me regarde, tu fais. Non, mais bah, attends, que non. Excuse-moi, si ça c'est Céline Dion, je ne vais pas à son concert. I know I skip a little tail. I like a red and thick blouse. Et c'est quoi le titre ? C'est ça ? C'est quoi le titre ? Non, c'est Because You Love Me. Because You Love Me. Voilà. J'ai le même accent anglais que Maître Kevin. Hein. Kevin, arrête de te foutre ma gueule, Kevin. Hein. I'm gonna ask you something for you. Do you, which team have the best le fans fin, voilà. À chaque fois que tu feras le malin, Maître Kevin, je passerai cet extrait. Ah mais tu sais que j'ai un accent anglais. Oui, ça c'est l'accent britannique de Brighton. Ça. Ouais c'est ça évidemment. Parce que vous ne voyagez pas les gars, vous ne traversez pas la Manche. Oui c'est donc ça. C'est pour ça. Okay. Eh oui c'est ça la différence les gars. Merci le britannique. Nisrine, je t'embrasse, je t'envoie du cadeau à la maison. On a fait un sans faute 5 sur 5, ok. Nisrine, bisous. Ouais, bisous. Bisous bisous ma chérie. On nous dit je cherche une fille, j'ai 20 ans. Donc si vous savez m'en trouver une, ce serait gentil, j'en ai marre du célibat Steven. Ah bah tiens, Nisrine. Ça t'intéressera pas Nisrine? De quoi ? Steven, il cherche une meuf. Ça t'intéresse, t'es célibataire, Nisrine ? Non, non. Ça m'intéresse pas. Pas célibataire, Nisrine. Bon, et bah tant pis. Salut, Nisrine. Bisous. Je te repasse Coco au standard. Raccroche pas, Nisrine. 1h53. Chante très bien, ma belle. Hein. Par contre, faut quand même l'applaudir. Ouais, elle a raccroché, Maître Kevin. Lui, il sent plus. Non, non, mais, je le dis sincèrement. Franchement, c'est ouf. Hein. Elle chante bien. Moi, elle m'a fait kiffer. Hein. D'accord, très bien. Bah, elle chante bien. Tu l'avais pour un de tes prochains reportages, Maître Kevin ? Ah oui, en fond. De ouf avec des chats, avec des violonistes roumains. Eh, pourquoi pas, ça et là-dessus, bien, t'as pas de droit, ça s'aime à payer, frérot. Eh ouais. Eh, faut y penser à ça. Voici Drake One Dance sur Fun Radio. Libertad, on est là jusqu'à 2h, 1h53 en direct. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Go. you wanna go? 'Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go! 02-851-4x0. Mais soyez bons! On est là en direct, 1h56 du matin sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi, les amis. Il y a Mokobé, le nouveau, c'est J'ai trop dansé qui arrive. Il est un peu malade, maître Kevin. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, parce que j'ai un peu avalé de travers. Ouais, frérot, il est trop fumé, je crois. T'es en train de fumer un ouage ou quoi? Non, non, du tout. Non, non, maître Kevin, c'est quoi ce délire? Il est sportif, le frérot. C'est le seul de l'équipe qui est sain de corps et d'esprit. Bah non, moi aussi. Non, toi, tu fumes, tu bois. Laisse tomber, maître Kevin, bois pas. Oui? Non, enfin, ça dépend. C'est halal, frérot. Occasionnellement, voilà. Quand l'occasion s'y prête, bien sûr. D'accord, quand il n'y a pas de meuf assez bonne et que tu es obligé de te bourrer la gueule pour trouver les meufs un petit peu moins belles, plus à ton goût. Voilà, ouais, il me connaît bien, lui. Ah, hein, il me connaît. Ah, bah oui, la famille. C'est la famille, hein, maître Kevin. Bon, avant d'écouter Mokobé sur Fun Radio, qu'est-ce qu'on fait, Coralie? T'as pas plus le prochain, ma chérie, s'il te plaît. Oh là là, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Et t'es à l'ouest ou quoi? Je suis pas concentrée. Mais d'ailleurs, à mon avis, le prochain jeu est bon pour elle. C'est la Loose Academy qui arrive. Voilà, ah, c'est exactement voilà. C'est ce qu'il y a loose. On va se faire la Loose Academy. Très bien. On va se le faire. On se le fait juste après Mokobé. Alors, le temps de laisser Coralie rattraper son erreur. C'est qui qu'on aura en ligne dans quelques instants, on va Coralie? Voir Dylan. Ah, Dylan, très bien. Il sera avec nous sur Fun Radio pour faire la Loose Academy. C'est le Tech à suivre 2.0. Maître Kevin, on va vous expliquer tout ça. Et puis vous tous et vous toutes aussi en direct. On va offrir du cadeau peut-être à Dylan dans quelques secondes sur Fun Radio. Voici J'ai trop dansé, nouveau Mokobé Open Space. J'ai trop dansé. J'ai mal au dos, j'ai trop dansé, de minuit jusqu'à l'aube. J'ai dépensé tous mes lots, plus d'essence dans la groupe. Y'a la police qui rôde, j'suis dans le futur, j'ai mon bord. Le DJ nous a plié, toute la soirée, sur la pluie j'ai trop donné. Je suis fatigué, sapé comme jamais, mon parfum dure 24 heures. J'mange un comme jamais, casal sur le nez, j'suis prince snappé. J'ai trop dansé. J'ai mal au dos. J'ai dit bloqué. J'ai dit bloqué. Débloqué. Là je deviens relou. Là je deviens relou. Là je deviens relou. Je danse comme Drake. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et ouais, on est là sur Fun Radio, 2h du matin, avec toute l'équipe autour de la table, et même à l'international, puisque Maître Kevin est toujours depuis Paris, comme chaque soir. Jonathan dans la sous-place, oui. Zel, l'homme oui. de l'ombre, Coco qui décroche, 02-851-4x0 pour vous inscrire pour l'émission de demain. Les amis, il y a Julian Peretta qui arrive dans 2 secondes, c'est à Craig qu'on va s'écouter. Le temps de faire le tech à suivre 2.0. La Loose Academy avec Dylan qui est là, 16 piges, Liège. Bonsoir Dylan. Hello Dylan. Salut, ça va? Ça va ou quoi Liège? Bon, voilà. Ouais, tranquillement. Un pronostic pour le match de demain, là, les Diables, contre la Suède. 2-1. 2-1 pour la Belgique. Ouais, c'est ce qu'on a un pronostic, ouais. Je dis. Bon, très bien. Parfait, Dylan, on va jouer à la Loose Academy. Alors, je t'explique le principe. Tu vas choisir ouais. un son, Dylan, toute l'équipe va choisir des sons. Et en fait, il faudra se compléter les paroles. Tu vas commencer à chanter, tu vas chanter la première phrase, la première punchline, d'accord? Ensuite, Jonathan enchaînera, César enchaînera. Le premier qui ne connaîtra pas la suite de la chanson est éliminé et ce jusqu'à ce qu'on arrive à la finale et qu'il n'en restera plus qu'un. C'est ça. Voilà, je ne sais pas si c'est. Et comment tu dois commencer? Bah, Dylan, chaque personne va choisir une chanson, d'accord? Ouais. Ok, donc. Bah, Dylan, c'est toi qui va commencer. Ouais. C'est Dylan qui va commencer. Ok, frérot, tu choisis quelle chanson? Il est où le bonheur? Oh putain, oh, Kassra. On est sérieux là? Oh là là, mais je connais juste ça. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Ah, il est là, ouais. Bon. Bon. Très bien. Il va tous nous éliminer juste sur une musique. Et comme je commence, c'est moi le premier. Attention, c'est Coralie qui va. C'est Dylan qui commence donc. Ensuite Coralie, ensuite Zezel, ensuite Jonathan, puisque j'ai le sens de la contestation. Ensuite Maître Kevin et je termine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que je me suis fait griller. Ah non, t'as triché. Saloperie. Non, non. Saloperie. Quel enculé. Non, je ne triche pas, Ah non, et c'est quoi ça? Chanson Il est où le bonheur, Christophe Maé, parole. Bon. S'il te plaît, tu te calmes. Oui, je me calme. Je suis très énervé ce soir, Mike. Ouais, bah écoute, pas entre plus... le classement de cours à mon avis, et toi, t'es pas plus énervé que moi. On va se calmer, s'il te plaît. Bon. Alors, Dylan, t'y vas, tu commences? Ouais. Allez, c'est parti. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? On accepte les approximations, évidemment. Coralie, c'est à toi. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. Non, y'a triche! Mais non! Y'a triche! Mais toi, tu connais, j'ai fait la manche! Mais bien sûr! Hey, excuse-moi, je suis sur le site de la police belge, si tu veux voir! Et c'est vrai en plus, regarde! Maître Kevin, on enchaîne! Ah, c'est quoi? Il a dit quoi non, le, bon, la dernière fois? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche! Non, mais attends, je sais même pas de quelle chanson on parle, j'entends boubou depuis tout à l'heure! J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche! 3! 2! J'attendrai d'être heureux! Je ne peux. Ouais, j'ai dit que j'acceptais les. Ouais. C'est ça, hein? Non? J'ai fait l'amour, j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. À toi, Dylan! On l'entend plus. Ah, Dylan? J'ai fait au mieux. Ouais, pas mal, Coralie. Faut enchaîner, les gars, sinon ça marche pas. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. Elle trompe personne, la meuf. Coralie, la meuf, attends, excuse-moi, la meuf. Y a triche, je sais qu'il y a triche. Non, attends. Je sais qu'il y a triche, parce que même. Coralie, même quand t'as les paroles devant toi pour le tech à suivre, t'arrives pas à le faire. S'il vous plaît, on se calme. C'est vrai, ça n'arrive pas à tricher en plus. Elle a fermé une fenêtre. Alors attendez, pour vérifier, je vais aller dans historique de navigation. Ah, putain. C'est pas ça. Récemment fermé, voilà, parole, il est où le bonheur? Prise en flagrant délit. Attention, merci beaucoup. Éliminé Coralie. Vous êtes sérieux, les gars? Mais oui, on est sérieux. C'est toujours moi qui me fais éliminer comme une merde, quoi. Dylan, tu veux la chanson de qui? Zezel, Jonathan ou Maître Kevin? Tu veux Zezel? Il a dit Zezel. Très bien. Alors Zezel, quelle est ta chanson? Allez, Stromae, Papa Outé. Ça va, facile, pas besoin de tricher là. Ouais. Papa Outé, très bien. Zezel commence, ensuite Jonathan, ouais. Ensuite Dylan, Maître Kevin et je termine. C'est parti, Zezel. Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Dylan. À moitié. Ouais, c'est ça, on a entendu à moitié mais c'est bon. On finit toujours par trouver. À toi, Mike. On dit qu'il n'est jamais très loin. Ça passe. C'est à moi? Oui, c'est à moi. Ah. Qu'il part très souvent travailler. Maman dit vous. Travailler c'est bien. Bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai. Pas vrai. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler. Il sait ce qui ne va pas. Attaque papa. Dis-moi où es-tu caché. J'ai l'impression de faire la colonie de vacances sans déconner. Attends Mike. Il faut lui dire. Tous les verres là. Et t'es éliminé. Ça doit faire au moins 10 fois qu'il a compté ses Kenji. Doigts. J'avais une Kenji là. Chier les gars, j'avais une Kenji putain. C'était laquelle? J'avais Ritano putain. Mais attends Mike, tu peux faire le Kenji. Regarde. Non. Mais dans la il est complètement fou, il vient de bouffer les textes. Tu pouvais faire le Ken. Le mec est fou. Tu pouvais faire le truc, mais t'aurais pas joué. Donc en gros, ce serait jouer entre Maître Kevin, ZZ, Dylan et moi. Mais bon, c'est bon, hein ouais. Est-ce que les paroles de Kenji sont appétissantes? Bah, c'est très peu calorique, donc ça me va pour mon régime en ce moment. Tu vois, je mange un peu du papier en ce moment. Bon, c'est à moi du coup. Allez, Alors moi j'ai choisi. Je suis éliminé, putain, fais chier. Le summum de la chanson française. Céline Dion, s'il suffisait d'aimer, les gars. Oh, ah, si. Par cœur. Ah, ouais. Donc je commence, ensuite c'est Dylan, Maître Kevin et Zezel. Je rêve son visage, je décline son corps. Non, là, je crois que là on touche le fond là, vas-y. Et puis je m'imagine. C'est bon, c'est une phrase. Ouais. Enfin, y a pas le complément de verbe, mais c'est une phrase. Dylan. Je peux le faire pour lui. Non. Dylan. Attends, il cherche. Dylan, une Dylan, il est béton. Dylan, deux fois. Il est béton dans un trou. Là. Ouais, je crois, Dylan. Dylan. On l'a peut-être perdu, Dylan. Alors, bah, Dylan, les paroles. Je sais pas. Ouais, il sait pas. Je peux la faire en entier, hein, si vous voulez. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire relire au fond de mes pensées. Mais comment font ces entrées? As-tu tout réussi? Qu'on me dise à mes fois t'es des chimères aussi. Moi j'ai vous tout donné. Moi quand même dans mon cœur et tout. Mais j'ai vous tout donné, c'est pas suffisant. T'as oublié une phrase. Merde, il y a quand même des gens qui nous écoutent. Non mais Céline Dion, on est lancé. D'ailleurs, elle était en verse hier. Oui. Elle était en verse hier. Apparemment, c'était à chier. Un concert de merde. Voilà. Apparemment, c'était à chier. J'y étais pas. C'était. Bon, il reste combien de temps? On le refera pas ce jeu. Hein. On a attendu la fin de saison pour le tester, mais on aurait dû accorder un peu plus. Non mais tu sais quoi, cadeau pour toi, cadeau Fun Radio qui arrive pour toi. Mais non, attends. Non mais on a la bourre. Il y avait la fiesta. Ah, il y avait la fiesta. C'est Maître Kevin, mais bon. Attends, puis on se la fera pour quitter l'émission tout à l'heure, avant de se quitter. Bon, Dylan. T'envoies ce qui peut te faire plaisir à la maison, ok mon pote? A bientôt. Change Dylan. De téléphone. Ouais, ou d'endroit. Tu captes mal à Liège, Dylan? Ouais, mais en fait. Non. Eh ben, on n'aura jamais la suite. De la bisous, Dylan. 2h08 du matin sur Fun Radio, JT déjanté juste avant de se quitter. Et le son de Julian Peralta. C'est à Cry dans l'émission. Venez faire un tour sur la page Facebook Mike Open Space. Il reste 7 émissions avant la fin de la saison. Bah, 6 du coup maintenant. Eh putain, merde. Where love could have taken us, blame it on the wind and cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce. Cause I cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Okay. Come back, come back, would you come back to me, yeah. Come back to me, yeah. Come back to me, yeah. When you're gone, that's why. Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bon. Eh ouais, 2h11 du matin sur Fun Radio. Il reste quelques minutes à passer ensemble. Tout micro ouvert. Allez-y l'équipe, mettez-vous. Zezel qui me donne un porte-clé. Et c'est quoi ce porte-clé de merde, Zezel? Pourquoi il me donne un porte-clé? Déjà, il me donne un porte-clé RTBF, ce con. C'est un signe pour la semaine prochaine. C'est ça? Ouais. Pourquoi tu me donnes un porte-clé RTBF? Ah, c'est énorme. Parce que t'étais occupé à parler d'un dos en fait avec tes clés. Ah, parce que Jonathan il a pété mon porte-clé hier. Ouais, exactement. Attends, le Batman? Ouais, un porte-clé Batman. Non, sérieux? Ouais. Mais t'es vraiment qu'un putain d'enfoiré de merde? Déjà, on va se calmer. Je l'avais piqué dans un tiroir en arrivant à Fun. Mike, écoute, si tu veux, pour toi, écoute. C'est vrai, hein. Pour toi, si tu veux, j'ai un porte-clé rouge où il y a trois lettres dessus et ça vient des Antilles. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. C'est quoi les lettres? Bah, il y en a trois là. Le N. Il y a le N, non? Ouais, c'est ça, dans l'ordre. Ouais, mais non, mais non. Ah, tu viens le chercher avec moi alors? Ouais, on va y aller. Ouais. Coralie? D'accord. C'est bon, Zezel? Ouais. Bah, c'est bon, je vous rappelle qu'on a. Maître Kevin? Oui, les amis. Il vient le chercher avec moi, il a pas compris, il est hors délire. Bon, oui, je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas pour la saison prochaine si on reste ou pas. J'espère qu'on va rester. Merci en tout cas pour vos nombreux messages que vous laissez. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur tous les messages qui arrivent sur le Facebook, sur le Twitter aussi, Mike Fun Radio. Et demain matin. Ouais. Le roman que t'as mis sur la page Facebook aussi, il est pas mal. Hein. Ouais, j'ai mis un message à un auditeur, Joachim. Merci beaucoup, merci mille fois, frérot. Franchement, ça m'a trop touché ton message. J'avais les larmes aux yeux tout à l'heure quand j'ai lu le message. Et bref, donc voilà, demain matin, réunion 10h du mat. Avec les boss et on vous tiendra au courant. On vous mettra un petit message. Mais si on était, si on continue, on saura pas. On saura pas. Ah mais si on continue pas. Mais on saura pas. Ça veut dire demain. Qu'on a plus rien à perdre pour la fin de saison. C'est-à-dire qu'on peut repousser. On peut faire des trucs qui ont jamais été faits en radio. Mais tu sais quoi, Mike? Et genre, on pourrait aller par exemple, je sais pas. On peut le dire à 2h13 du matin, redécorer le bureau du patron, par exemple. Il y a un accès par l'ascenseur, voilà, comme ça vous savez. Je sais pas. Ou aller faire la dernière de l'émission, aller faire une grosse teuf chez le patron. Mais genre sans le prévenir, tu vois. Il y a son adresse. On ramène des stripteaseuses et tout. On ramène des stripteaseuses et tout. On ramène des confettis. Et on y va chez lui pour la dernière, quoi. Je crois qu'il est hors d'elle quand même. Hein. Il est hors délire quand même. Le mec, il est hors d'elle, quoi. On lui fait un projet. Il est un peu hors d'elle. Non, mais bon, je déconne. C'est trop. Voilà. On verra demain. On verra demain. 2h13 sur Fun Radio. Les titres à la une de l'actualité demain. Voici l'heure du JT déjanté. Allô, maître Kevin. Allô, Gonathan. Allô, Zezel. Allô, Coco. Allô, Jérôme. Hello à tous. Pas de méprise. Et oui, si vous passez sous la fenêtre de Zezel et que vous entendez sa meuf dire « Mais bien le zizi dedans !» Ça, c'est juste qu'elle s'adresse à son neveu qui apprend à faire pipi sur le pot. Les oiseaux se cachent pour mourir. Bah, force est de constater qu'ils sont beaucoup moins pudiques quand il s'agit de chier. Je vis comme je veux. Oui, j'aime dormir nu. Et si les gens sont pas contents, ils peuvent changer de bus. On ne paie rien pour attendre. Sauf si tu vas à Disney. Oh, ouais. On dit qu'en amour, il faut pas voir ouvrir son cœur. Ouais, mais après, on fait comment? Il y a plein de sang, elle est morte. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Elle est 2h14 sur Fun Radio, oui, Jonathan. Je tiens juste à dire, Coralie, elle chante tous les génériques et tous les beds. Et là, il y a le générique où il y a mon nom, tu vois, dedans, où il y a Mike Open Space avec Jonathan. Dépêche-toi. Et quand elle dit, quand le générique dit Jonathan, la meuf, elle baisse la tête, elle réagit même plus, tu vois. Elle me boycotte. Elle peut plus te voir. Elle me boycotte. C'est pour ça que je l'aime. En fait, bisous, ma Coralie, d'amour. Quand ils disent Mike, en fait. Sinon voilà. Ouais. Bisous ma chérie. Bisous mon bébé. À demain. Adieu. Bisous mon Zezel. Bisous. Merci mon pote pour ce soir. À demain. Bisous Jérôme. À demain. Maître Kevin, le talent, le génie. Bisous mon bébé. Salut mon schizo. À demain frérot. Jonathan. À demain mon chéri. Bisous chérie. Mon pote. À demain. Ouais, c'est ça, tu vois. À 10h c'est ça. 10h demain pour la réunion. Tu viens à quelle heure chez WAM? T'as pas intérêt à trouver d'excuses, sans déconner. Je le dis, s'il trouve une excuse, il est pas là demain soir. Et tu me punis, tu me punis non, juste demain soir. Non, il est pas là demain soir. Et tu me punis demain soir. Il est pas là demain soir et juste la fin de saison.